salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 25 de l'Horreur Gamer Show, 6 au micro avec vous, et en ma compagnie ce soir, une bonne équipe, et même des surprises. Pour commencer, j'ai mon bon vieux partner Sébastien Bouchard. Comment ça va, ça? C'est moi, puis ça va bien. C'est toi? Oui. Good, tant mieux si ça va bien. Kevin aussi qui est avec nous ce soir, le grand retour de Kevin, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, comment ça va? Hey, ça va super bien, comme un chef. Comme un chef. Content d'être de retour parmi vous. Good, good. Je te dirais bien qu'on s'est ennuyé, mais je suis pas sûr que ça serait vraiment vrai. Fait que, ouais. Ben bon retour. Ça risque de causer des petites érections nerveuses de ma part. Fait que. Ouh, inquiétant. Et aussi, pour la première fois sur le podcast régulier, l'ami Jean-François Tremblay est avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Hey, bienvenue. J'espère que t'es pas trop d'un heure. Pas trop de? Pas trop dans les d'un heure. Non, non, non, ça va aller. C'est pas pire, parce que tu sais, dans le fond, je fais semblant qu'on est super bon, on est super pro, on est professionnel, donc j'essaie de te mettre de la pression et ça ne fonctionne pas. Donc, bon, ben, je vais y aller avec notre tour de table régulier, voir qu'est-ce que vous avez écouté de récent. Commençons par toi, Kevin, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, puis écoute, tu dois pas avoir de quoi compter. Ah, moi, je te dis, là, je suis dans côté horreur, j'ai pas d'autre côté. J'écoute que des films d'horreur ces temps-ci. Et voilà. Je suis tout le temps sur Amazon en train de m'en faire livrer, puis ça rentre à tous les semaines. Mais moi, cette semaine, j'ai vu un film qui est pas pantoute relié à l'horreur. Ben, pas pantoute. T'as du gore un peu. Mais c'est Machete Kills, la suite de Machete. Non. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux, c'est pas... non, non. Fait que c'est ça, j'ai vu ça hier en avant-première. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, vite, vite? Écoute, on dirait un Austin Powers sur Gore, version Gore, c'est vraiment déjanté. Austin Powers! Hey, ah, c'est vraiment bon comme comparaison. Je te jure, c'est, ça n'a rien à voir avec le premier. Là. C'est, ils ont décidé de prendre toute une autre tournure, c'est vraiment plus axé sur l'humour. Puis tout le long du film, ça t'amène aussi pour un troisième qui va être encore meilleur. Là. Ça risque d'être assez intéressant à aller voir. Ouais, le troisième qui va s'appeler Machete Kills Again. In the space. Quoi? C'est un spoiler que tu viens de donner là, toi? Là? Non, non, parce que c'est déjà sorti un peu sur, okay, sur ben YouTube. Voyons, là. Mais tu sais pas si c'est une farce, parce que tout le long, le film, ça a l'air d'être une gigantesque farce. Bon. Mais les kills sont nice encore, c'est très bien réalisé par Rodriguez. Ouais, c'est clair. Il y a des belles femmes dans ce film-là, ça arrête pas. Il y a Lady Gaga aussi qui fait son premier rôle. Elle n'a pas un gros rôle, mais c'est efficace. Là. Je te dirais que quand elle joue du gun, là, elle est assez quelque chose. Excellent, ça. À part de ça, t'as écouté de quoi de... J'ai écouté. Écoute, si on suit sur Facebook, t'en as écouté une sale trollée dans les dernières semaines. Ben oui, j'ai décidé de participer au 31 jours de l'horreur pour le mois d'octobre. Bon, du chanceux, t'as le temps. Ouais. Non, c'est sûr que. J'ai pas de fun de regarder des films à faire puis tout ça, ça va plus facilement pour écouter des films, mais non, c'est ça, j'ai écouté une couple de films de loup-garou pour me mettre dans le bain un peu, là, je te dirais que je n'avais pas beaucoup à mon actif, j'étais allé dans des classiques comme Silver Bullet, j'ai écouté Wolfen, j'ai écouté deux films qu'on va faire à soir, c'est vraiment important de les avoir écoutés, je pense, hein. Sinon, écoute, je me suis commandé Suspira, que j'ai eu le temps d'écouter récemment, d'Argento. Là. T'avais jamais vu Suspiria d'Argento? Non, wow. Je sais, honte à moi. Mais non, non c'est non, ça, je te dis, là, je suis vraiment en train de me rattraper. Puis, je ne dis pas honte à toi, c'est juste que je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que t'en as pensé, parce qu'on s'entend que c'est tout qu'un film. Ouais. Ben écoute, si je te dirais que j'étais assis puis je tombais en haut de ma chaise. C'est vraiment un film excellent, c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est sans aucun doute. Moi, il y a une scène en particulier dans ce film-là qui va toujours me faire capoter, mais solidement. C'est quand que ils font une espèce de dortoir temporaire dans l'espèce de gymnase et puis que t'as l'espèce de mère qui dort à côté d'eux autres puis qu'on voit juste l'ombre de la femme couchée qui respire sur les toiles. Cette scène-là m'a traumatisé. J'ai vu ça j'ai vu ça un petit peu trop jeune, un petit peu trop... Ça est inquiétant. Je trouve ça fucking génial. Justement, quand tu parles de jeunesse, moi, je suis comme le plus jeune de la gang. Puis ça m'étonne tout le temps, justement, d'acheter des vieux films de même. C'est quand même, je pense, c'est 75, ça. Je sais pas trop. Là. En tout cas, dans les années 70, mais tu sais, j'avais pas vu ça, moi, dans ma jeunesse. Puis de voir à quel point ça a bien vieilli aussi, puis que t'sais, les effets spéciaux font encore leurs effets, puis ouais, ça m'étonne tout le temps. Ouais, ben il y a des films comme ça qui vieillissent bien, il y en a qui vieillissent moins bien, mais je sais pas, ouais. Je fais partie de ceux qui je trouve que les films souffrent vraiment pas tant que ça de leur âge. C'est pas toujours vrai, mais ça, je veux dire, je suis capable quand même d'apprécier des mauvais effets, puis des affaires dignes de l'époque. Ça me dérange rarement, je te dirais. Comme vous dites souvent dans l'édition remake, c'est de son époque, mais ça marche. Ah, tout à fait. Ouais. C'était bien dit, ça. À part de ça, as-tu d'autres classiques comme ça que t'as vu? Pis que... Ah, City of the Living Dead? T'avais jamais vu? Non. Wow! C'est un renouveau. Steven qui m'a conseillé au dernier... au live. Pendant le live, moi, j'étais arrivé vers la fin, mais... Il a eu le temps de me conseiller ça. Puis, non, encore une fois, c'est un très bon film. Ah, peut-être un petit peu moins que Suspiria, mais c'est très bon, là, dans son style. C'est pas tout à fait le même genre. La différence entre Suspiria et Argento, c'est quand même assez majeur. Ah ouais. À part de ça, des vieux films en noir et blanc, je continue d'en écouter. Arrête jamais. Mon truc d'horreur classique, là, les 50 films. Mais. Je n'ai pas trouvé de. Par rapport au loup, ça m'a un peu étonné. Au loup-garou. Hein? Ouais, curieusement, en faisant la recherche sur ce film-là, on va en reparler tantôt, mais j'ai réalisé que des films de loup-garou, c'est pas ce qui court. Tu sais, c'est pas le genre qui est le plus commun, finalement. C'est un genre qui a. On dirait qu'il n'y a jamais eu de mode. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de petit boom, tu sais. Ouais, je pense que tu as raison. Ça a toujours été loup-garou avec quelque chose, tu sais. Ouais. C'est toujours, genre, je pense, admettons, à la série d'Underworld. Ok, ouais. Tu sais, ces trucs-là. Là. Ben, genre, t'avais Van Helsing, tu sais. Mais c'était toujours le loup-garou et autre chose. C'est vrai, ça, t'avais. Souvent, ce qui va arriver, c'est que le loup-garou va être une sorte de métaphore sur un passage d'un état à un autre. Tu sais, comme dans Ginger Snap, c'est sur le passage de la jeune fille à la femme. Je pense que ça arrive en même temps que c'est menstruation, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est en plein ça. Moi, ce film-là, d'ailleurs, Ginger Snap, je l'ai considéré, mais je pense que je suis le seul qui a vu ça et qui en garde un très mauvais souvenir, mais je l'ai vu qu'une seule fois à sa sortie. Fait qu'il faut que j'y redonne une chance. Je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir comme de quoi c'était vraiment mauvais. Ben, je te dirais que c'était ça pour moi aussi. La première fois que j'ai écouté, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est quoi le hype de ce film-là? Puis peut-être l'année, il y a 2-3 ans, j'ai redonné une chance puis j'ai fait, wow, c'est génial. C'est clairement... Justement, le sous-texte de le passage de la jeune fille à la femme est vraiment bien amené. Là. Bon, c'est clairement... Il faut que j'y redonne une chance. C'est vrai qu'il se transforme de même en esti en plus. Un morceau de robot pour Kevin. Hey, Sébastien, t'en gaillette, vas-y donc avec ce que t'as écouté dans les dernières semaines. Hey, j'ai quand même été tranquillos, malgré que, bon, je n'avais jasé les autres fois, là, mais j'ai finalement fini Dexter. Ben, j'ai pas fini. Dexter a fini, tu sais. Ouais. Puis, spoiler, s'il te plaît. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Écoute, Dexter a fini. Une heure après, j'y pensais plus. Ouais. C'était pas une bonne, c'était pas une mauvaise fin, c'était juste une fin. En tout cas, on en reparlera dans 5 ans quand plus personne va s'en rappeler. Sinon, ben écoute, j'ai aussi écouté un peu de Loup-garou. J'ai voulu me taper Silver Bullet, je l'ai pas fait, mais je me suis retapé le bon vieux des Howling. Toujours excellent comme film. Écoute, on se tente jamais de voir ce petit bijou-là. Sinon, je me suis fait plaisir, je me suis retapé Hobo with a Shotgun. Ah, wow. Ah, hein? Quel film. Et que c'est plaisant. Quel film. Et que c'est du beau plaisir plaisant, ce film-là. Du beau gore à souhait. Rutger Hauer qui est à son meilleur, écoute... qui va même d'un petit speech philosophique à la Blade Runner à la fin. C'est génial. Puis, Pierre, je sais pas si c'est juste Pierre qui l'a écouté, mais le nouveau Curse of Chucky. Oui. Oui, je sais pas si vous autres, Kevin et Jean-François, vous l'avez vu. J'ai pas vu, moi. Non, pas encore. Toi, Jean-François? Non, je l'ai pas vu. Ouais. Fait que toi, Pierre, ben je pense qu'on s'en était jasé un peu. Ben vas-y donc, je voulais en parler, mais vas-y donc, puis je vais m'en suivre. Ben moi, je suis pas un fan de la série Chucky, OK? Ça n'a pas été... c'était pas une série que j'écoutais quand j'étais jeune. J'ai vu le premier comme tout le monde. Puis après ça, je pense que j'ai tout de suite sauté à Bride of Chucky. C'était pas quelque chose qui me tenait à cœur. Puis, tu sais, le nouveau, j'avais quand même le goût de le voir à fond parce que j'avais le goût de redécouvrir Chucky. Puis, je pense que c'est ça qui s'est passé. T'sais. J'ai eu un bain de plaisir à l'écouter. L'histoire est intéressante. Ce qu'ils ont fait avec Chucky, puis comme la mythologie de Chucky, puis ce qui avait été fait dans les autres films, je trouve que c'est génial. Même si je ne les ai pas toutes vues, je reconnaissais. Je pense que tu n'es pas obligé d'être un néophyte. Tu n'es pas obligé d'être un calé en Chucky pour savoir un peu les clins d'œil qui sont faits dans le film. T'sais, peut-être qu'il y en a plus, mais j'en ai vu quand même plusieurs. Mais non, c'est génial. Écoute, ce que j'ai moins aimé de ce film-là, c'est la réalisation que je trouvais qu'à un moment donné, elle utilisait toujours les mêmes patterns. Là. Des plans vus de dessus, il y en a à pelleter. Des zooms rapides, il y en a à pelleter. C'était vraiment tannant. Là. À un moment donné, j'étais écœuré. Puis sinon, ben les scènes de meurtre, il aurait pu être une grosse coche plus gore que ça. Je les ai trouvées plus ou moins intéressantes. Mais sinon, l'humour, les personnages, Chucky, j'ai trippé. Ben man, moi je peux quasiment dire copier-coller sur ton opinion, dans la mesure où moi non plus, j'étais pas un grand fan de la série de Chucky. Je les ai tout vus. Pas que j'aimais pas, c'est comme des films que bon, j'étais content quand ça sortait, je les écoutais d'Azard, j'ai jamais été un fan fini. Fait que j'avais entendu beaucoup de bons commentaires sur celui-là, donc j'avais très hâte de le voir et j'ai été vraiment satisfait dans la mesure où que, j'ai ri, j'ai eu du fun, j'ai eu un gros fun sale à écouter ce film-là. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est mon préféré de la série, j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur, mais encore une fois, je suis pas un fan. Mais beaucoup, beaucoup de fun. Et oui, il y a eu des gros problèmes de réalisation qui m'ont fatigué un peu, mais tu sais, c'est pour être nitpicky, là. Ça m'a pas coupé mon fun. Des petits problèmes au niveau de la popette, là, qu'une scène, tu la vois marcher très très bien, l'autre scène d'après, tu la vois marcher comme un foutu pantin avec des cordes. Ouais. Tout de suite, back to back, j'ai trouvé ça un peu plate. Mais sinon, comme tu dis, les clins d'œil, c'était bon. Il y avait des moments vraiment creepy pour. Tu sais, oui. Pour le genre de film, là, sérieusement, il a réussi à me faire sursauter une couple de fois, puis j'ai bien aimé. La petite scène en dessous des couvertes, là. Ouais, écoute, je veux pas rien spoiler, mais la scène du souper, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé bonne, mais j'ai trouvé qu'elle s'étirait juste une petite coche trop. Ah, j'ai bien aimé. Ouais. Mais non, c'était une bonne idée, cette scène-là. À part de ça, mon Seb. Écoute, c'est pas mal ça. Vite comme ça, là. C'est pas mal ça, sinon, on tombe dans le non-horreur, donc c'est le non-intéressant. Bon. Jean-François, par chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce côté horreur? À part, je sais que tu travailles sur un petit projet perso que j'aimerais bien ça que tu nous en parles, vu que c'est peut-être pas tout le monde qui a écouté l'épisode live. Ouais, ben c'est ça. Non, je travaille sur une production de Rocky Horror Show, en fait, pas Picture Show, mais Rocky Horror Show, dans ma petite ville de Peterborough, en Ontario. Puis je joue le rôle de Riff Raff, et on présente ça à la fin octobre, du 30 au 2 novembre, en fait. 30 octobre au 2 novembre. Et ça fait genre 2 mois qu'on travaille là-dessus, 2-3 mois, là, puis ça va être super trippant. Là, beaucoup de danse, évidemment, du chant, puis c'est le fun. Si ça serait pas si loin, je voudrais tellement voir ça. C'est genre 5h30 de route de Montréal. C'est ça. Les photos que tu as postées sur Facebook, tout de suite, ça m'a vendu l'idée complètement. C'est super bien réussi. Sérieusement, je suis très prête. Mais c'est beaucoup trop loin. Je m'excuse. Mais, petite anecdote. Moi, Hockey Horror Picture Show, j'ai connu ça à cause de Jean-François. Dans le temps qu'on faisait le bac ensemble en art à l'UQAC à Chicoutimi, c'est lui qui m'a fait connaître ça. Jean-François est un fan fini. Là. C'est le plus grand fan que je connaisse de Rocky Horror Picture Show. Là. C'est mettons que quand tu as annoncé que tu faisais la pièce de théâtre, je me suis dit, mon Dieu, pour lui, ça doit être un rêve qui devient réalité. Ben, je l'ai vu pour la première fois, je te dirais, en octobre ou en novembre 93, ça a passé à Musique Plus avec des sous-titres vraiment affreux, là, avec des sous-titres à la québécoise. Puis, okay, c'est un film, ça? Oui. Au départ, parce que moi, je connais vraiment pas ça. Départ, je sais pas si tu voulais m'expliquer un peu. Ouais. Au départ, c'est une pièce de théâtre qui est créée en 73. Je ne ferai pas toute l'histoire, là, mais en tout cas. Non, mais en gros. Le film date de 75, puis c'est vraiment dur à décrire comme film. Là, oh boy. Mieux, le moins que je t'en dis, c'est mieux. Là. OK, il faut vraiment le voir pour comprendre ce que c'est. Non seulement faut le voir, mais faut le voir live. Il faut que tu aies voir ce film-là en salle. Tu peux pas, tu peux pas te louer le Blu-ray de ça puis faire écouter ça dans un autre chez vous sans savoir ce que c'est. C'est non, à Montréal, ce que tu peux faire, je ne suis pas sûr si ils le présentent cette année, mais tu peux aller, je pense que c'est au Rialto ou à l'Impérial, ils font à tous les années, ils présentent le film, puis tu as une troupe en avant du film qui recrée avec les qui sont déguisés comme des personnages puis tout, puis pendant que le film joue, eux ils jouent le film aussi sur scène, puis le monde y participe, ils lancent des répliques aux personnages du film puis tout. Ah ouais, c'est intéressant. C'est vraiment un événement assez flyé là. Tu vas là déguisé. J'ai jamais vécu. Ah ouais, faut que tu sois déguisé en plus, ailleurs, ça doit être obligé, intéressant. Tu peux y aller. Fais juste des recherches un peu sur le net, sur YouTube là, Rocky Horror Picture Show live là, quelque chose comme ça là. Puis ouais. Tu vas voir, c'est complètement fucked up, là, tu sais. Je pense qu'il doit pas avoir grand chose qui se rapproche de ça, côté événement, cinéma façon de recréer ça live sur scène, là. Mais c'est intéressant que ce soit interactif aussi avec le public, puis que tu ouais. peux. Moi, ce qui me fascinait, quand je l'ai vu le film la première fois, ce qui me fascinait, c'est que c'était complètement imprévisible. Tu le regardes, puis tu peux même pas savoir, tu peux pas prévoir comment ça va finir, là, t'sais. Impossible. Mais non, si tu veux voir plein de monde en bobette, là, c'est la bonne place. T'as-tu choisi ta paire déjà? Non. Non. Mais non, c'est ça, fait que je joue là-dedans. Puis je suis bien occupé avec ça, fait que j'ai pas le temps de faire les 31 jours d'horreur. Ça m'aurait bien tenté. Mais, Y a-t-il quelque chose, parce qu'on ne s'est pas parlé, ben écoute, c'est quand même ton premier podcast officiel. Y a-t-il quelque chose que t'as écouté, disons, là, je vais y aller bien, bien vague pour te faciliter la chose. Là, dans ta dernière année, là, le meilleur film d'horreur que t'as vu cette année, mettons. Ben, peut-être pas le meilleur parce que c'est toujours chiant à déterminer, mais des bons là, que t'as vu cette année, toi. Ben, lui qui m'a laissé une grosse impression, ça a été The Conjuring. C'est peut-être un peu prévisible à dire, mais c'est. Tout le monde l'a aimé, je pense. Fait que, tout à fait, c'est clair. Puis c'est pas. Il n'y a pas de mal à le dire. Non, dans le monde de l'horreur, je pense que c'est pas mal ce que j'ai le plus aimé cette année. Ah, c'est clair, c'est tout. Si on y va dans le DVD plutôt que. Oui, c'est ça. Non, j'avais une couple d'affaires, je voulais parler. J'ai vu The Purge. Oh! Ethan Hawke. Juste pour vous situer, j'ai jamais vu Funny Games. J'ai pas vu Your Next. J'ai jamais vu, je pensais, The Strangers. The Strangers, ouais. Je suis pas un fan nécessairement de ça. J'aimais le concept. Des trucs de Home Invasion, tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais The Purge, j'aimais le concept de départ d'une histoire futuriste où ce que le gouvernement américain a décidé de que pour une nuit par année, tous les crimes vont être permis. T'sais. Ça, j'aimais ça. Puis je trouve ça. C'est effrayant. Quand tu te mets dans la peau de ces personnages-là, c'est effrayant. Sauf que le film en soi, je trouve qu'il est mal. C'est mal amené, je trouve. La première demi-heure, ça va, j'étais comme tendu. J'anticipais là, la nuit. Là, c'était comme ah, j'ai peur que ça commence. Là, mais une fois que ça commence, ça tourne pas comme j'aurais voulu. Puis. Ça tombe à plat un peu. Il y a un méchant dans le film, tu sais, je me souviens pas du nom de l'acteur, mais il est à la porte, là, puis il est vraiment très charmant, mais charmant creepy, là, tu sais. Mais ça mène à rien, tu sais, ce personnage-là aurait tellement pu être plus fort que ça, puis passer à l'histoire, mais ils l'ont comme laissé tomber à un moment donné dans le film, puis ça m'a vraiment déçu. Là. C'est un concept qui est assez casse-gueule, je trouve, comme tellement, mon gars, c'est pour ça que je l'ai pas vu, on dirait que j'y crois pas, juste à cause de l'idée. Parce que l'idée est excellente, mais tu te dis, mon Dieu, si on y pense 5 minutes, il y a des failles partout dans ce film. C'est clair. Faut que tu laisses ta logique de côté. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, c'est sûr. À part ça, j'ai écouté le premier épisode de la nouvelle saison d'American Horror Story. Oh, man! Il a fallu que j'attende ma blonde, je ne l'ai pas encore vu. Moi non plus. Moi non plus. C'est dur. Avec cette série-là, c'est dur à dire parce que plus ça se développe, plus c'est bon d'habitude. Puis c'est là que tu comprends où ils veulent en venir. Fait qu'au premier épisode, c'est comme OK, on place les personnages, on place l'action, puis tout. Il y a quelques scènes gore et épeurantes, mais c'est pas encore. Le train n'est pas encore starté vraiment. Là, fait que, vraiment. C'est intéressant. Je trouve que le concept, l'idée des sorcières, puis ça m'intéresse. Là. Ben, je trouve que, tu sais. Dans la première saison, ils sont allés d'une direction. Dans la deuxième, ils sont allés à l'opposé. Puis oui. Je trouve que dans la troisième, ils sont encore dans une autre place. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se lancer pour se répéter. Non, c'est ça que j'aime. Ah, puis je suis tellement en amour avec les génériques de ce film. Ah, écoute, là, pas de temps. Puis ont-tu gardé la même tune? Oui. Ah, génial. Tu sais, toutes les actrices qu'il y a là-dedans, tu as Kathy Bates cette année, tu as Angela Bassett, en plus des habituels comme Sarah Paulson ou Jessica Lange, Lily Rabe, toute la gang, là, sont toutes là. Puis j'aime, juste un petit détail, j'aimais le titre de l'épisode, ça s'appelle Bitchcraft au lieu de Witchcraft. Oh, c'est bon. Oh, c'est mignon. Dernière chose dont je voulais parler, je ne prendrai pas grand temps là-dessus, j'ai fini par écouter la saison complète de la nouvelle version de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça peut paraître bizarre que je parle de ça, là. Okay. Non. La version de Nickelodeon qui est passée l'année passée. La deuxième saison va commencer ce mois-ci. Ah, j'ai jeté un coup d'œil à la deuxième saison, mais je te laisse en parler. OK. La première saison, je ne l'avais pas écoutée au complet l'année passée, puis je me suis rattrapé d'un dernier mois. Ce que j'aime là-dedans, puis le lien avec l'horreur, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup de choses visuelles, puis autant dans le scénario que dans le visuel, il y a beaucoup de choses qui ont emprunté au monde de l'horreur qui m'intéressent beaucoup, puis je trouve que, je sais pas, pour un enfant, ça va être assez stressant par moment de regarder cette série-là. Il y a des monstres, des mutants qui sont assez inquiétants, puis il y a un épisode qui est plein de références à Evil Dead. T'as les Turtles qui se font posséder un à un par une sorte de grosse abeille géante avec son dard à pic Leonardo. Puis Leonardo va en mordre un autre, puis l'autre va mordre l'autre. Fait qu'ils se font tous posséder un après l'autre. Puis, tu sais, quand t'as juste Leonardo qui est possédé, puis il essaie d'amadouer Michelangelo en redevenant normal pendant 2 secondes, puis aussi il redevient possédé. C'était pareil comme dans Evil Dead. Puis aussi, dans cet épisode-là, la phrase « Give me some sugar, baby », tu sais. Ah! Wow! C'est clair que c'est un gros clin d'œil. Au long de la saison, tu vois que les créateurs, c'est des fans de cinéma d'horreur, cinéma d'action. J'adore ça. J'adore le style visuel. Je suis en amour avec cette série-là. Bon, tu me l'as vendu. Si t'aimes les comics un peu, Jean-François? Pas vraiment, en fait. Mon amour des Turtles vient des films puis de la série des années 80. Là. Parce qu'ils ont reparti une run là, récemment. Puis okay. Le dessinateur là, qui fait les dessins, c'est vraiment hallucinant là, le talent. Côté BD? Ouais, côté BD. Comic, c'est IDW qui fait cette série-là. Là. Puis tu iras jeter un coup d'œil là-dessus un peu, tu vois juste au niveau du design des dessins, là, c'est vraiment hallucinant. Je pense que ça a une dimension autre que justement au animé, que c'est un peu plus enfantin, je pense. Là. Oui, c'est enfantin. Non, mais au niveau, je parle du dessin, là, mais en comic, c'est vraiment plus détaillé, puis on voit un peu plus le côté horreur que tu parlais. Là. OK. Ouais, je t'invite à aller voir ça. Dans les différentes versions que j'ai vues, j'étais beaucoup attaché au dessin un peu niaiseux des années 80. Là. J'aimais ça, c'était loufoque de ça, mais. Je pense que j'aime mieux cette version-là. Je trouve que les personnages sont mieux définis, c'est plus le fun. OK, ah, ben tu vois, c'est ça, je te disais, j'ai vu la deuxième saison. Parce que je me viens de m'abonner à Nickelodeon parce que je trippe sur Legend of Korra, une nouvelle série basée sur Avatar. Puis, pas Avatar le film, mais Avatar le Last Airbender. Hey, puis, man, j'ai eu peur l'espace d'un moment. Non, c'est ça, je trippe bien fort parce que c'est une série animée, mais hyper adulte dans ses thèmes. Mais parce que là, j'avais Nickelodeon, j'ai fait « Ah, cool, j'ai Teenage Mutant Ninja Turtles, je vais regarder quoi ça a l'air. » Et j'ai pas accroché. Mais là, en tout cas, tu me donnes le goût. Là. Peut-être que je suis parti avec un mauvais préjugé. L'an passé, j'étais parti dans un trip d'écouter la vieille version des années 80 pour voir si j'aimerais ça encore. Puis là, en parallèle, j'essayais d'écouter les nouveaux, puis j'étais comme « Non, j'accroche pas aux nouveaux, là, j'aime encore trop les vieux. » Puis là, j'ai juste écouté les nouveaux, les 26 épisodes, tout d'un bloc, puis j'ai fait « Wow, j'adore ça. » Faut que tu les écoutes, ça suit d'un épisode à l'autre, puis c'est le fun. Puis Michelangelo me fait tellement rire, là, en tout cas, je trouve que... Il y a des dialogues vraiment trippants là-dedans. Mais moi, j'aimais le Donatello quand il était intelligent, pas quand il était nerd, gêné, ticoun. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, parce qu'ils en ont fait un petit coup, un peu, là. Ouais. Ouais. Il est en train de voir par-dessus la tête avec April, puis il perd la tête à chaque fois. Puis, Ben, dans le film, ils sont pas mal tous petits coups. Ouais. Quand on regarde les films. Ouais. Fait que c'était pas mal ça, Jean-François? Oui, c'est ça. Ben, Hiro, merci. Je vais y aller avec qu'est-ce que moi j'ai écouté. Moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps. C'est pas vrai, je travaille comme un vrai donné ces temps-ci, mais tous les soirs pour dépomper, même s'il est 4h du matin, il faut que je me tape un film juste pour. C'est comme pour Curieusement, ma façon de relaxer avant d'aller me coucher, c'est de me taper un bon film d'horreur. Je me suis limité, par exemple, parce que s'il fallait que je lâche tout ce que j'ai vu, c'était assez peur. Dans les plus marquants, disons, j'ai finalement donné une chance à Hatchet 3. Hatchet 3, qui ce mal-aimé que j'ai pas entendu personne rien dire de positif à son égard. Et puis, moi, ça me dérangeait pas vraiment parce que, écoute, je pense que tout le monde a dit la même chose du deuxième. Puis le deuxième, je l'avais adoré. Adoré. Je l'avais trouvé correct dans la mesure où, bon, c'est un slasher un petit peu cave, mais avec des kills brutales, vraiment le fun. Puis c'est un peu ça que je m'attendais du 3. Fait que, bah, let's go. T'sais, au pire, même si le film est plate, au moins, tu sais, t'as des kills, puis t'as Victor Crowley, puis c'est sûr que tu vas avoir un paquet de clins d'œil le mode Adam Green, un paquet de clins d'œil, il y a des classiques de l'horreur, puis tout. Et puis, tout le monde avait raison, man. Hatchet 3, ça se dit que c'est mauvais. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est plate. Le gros fun que j'avais dans Hatchet, c'était en plus, c'est ça, c'est Kill, son gore qui était vraiment hot, ses effets pratiques. On dirait que le film a été comme coupé, parce qu'à chaque fois qu'on arrive pour avoir du gore, ça non, c'est vraiment pas bon. L'histoire est affreusement mauvaise. Ils ont décidé de prendre le Hatchet puis de virer ça au sérieux. Ils se sont pris au sérieux. Oh, come on. C'est quelque chose que je... Non, pas du tout. Est-ce que tu pensais à ma proposition de faire comme s'il n'avait jamais existé? Non, parce que honnêtement, c'est quand même le genre de film qu'à un moment donné, je vais tomber dessus à pas trop cher, puis je vais l'acheter juste pour le mettre dans ma collection. Parce que c'est pas catastrophique, là. C'est pas un mauvais film. C'est juste que j'avais tellement aimé la série que celui-là m'a déçu pas mal. Le premier était excellent. La série faisait juste y aller en augmentant, je trouvais. Là. Ah ouais, moi, en tout cas. Hatchet 3, ça a été une déception. C'est pas le plus mauvais des films, mais tu sais, je vais probablement le réécouter prochainement. Mais. On aimerait ça que ça arrête là, admettons. Parce que le problème, c'est qu'ils reviennent même pas sur l'histoire justement de Victor Crowley. Tu sais, dans le 2, t'as un peu plus de son enfance. Ah, mais ça me dérange pas. T'sais, à un moment donné, après le troisième, si t'as pas vu les deux premiers, à un moment donné, son histoire était supposée à connaître. Ouais, mais je trouve que c'est plus des kills garochés pis sont même pas tant le fun à regarder. Ben, c'est clair, à un moment donné. Quand tu vois l'espèce de SWAT team débarquer, tu te regardes puis tu vois que tous ces personnages-là, c'est des personnages moins que unidimensionnels. C'est de la chair à canon. Ils sont là tous pour crever puis c'est même pas intéressant de les voir mourir. Non, c'est ça. C'est de la viande fraîche puis tu le sais. C'est ça. J'ai trouvé ça dole. Fait que Hatchet 3, déception pour moi. À part de ça, j'ai vu un film que, tout à fait le contraire, tout le monde avait dit que c'était foutrement excellent, et ça a été ma grosse déception encore une fois, le film This is the End. Oh man! Quoi? Oh, c'est vrai, je l'ai pas marqué. J'ai hâte que tu me dises. Non, mais vas-y. C'est pas mauvais ça? C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Non, mais attends. Je comprends le monde qui a aimé ça. C'est parce que moi, j'accroche pas. Dans un, les films de Stoner, ça me dit rien. C'est pas mon trip. Puis cette gang d'acteurs-là, je n'ai rien à battre. J'ai rien aimé pratiquement de qu'est-ce qui s'est fait avec eux autres. Fait que, tu sais, c'est un peu normal que j'ai pas embarqué dans ce mood-là. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais pour moi, ça a été vraiment comme... C'était mauvais. Il y a Michael Cera qui était tellement drôle, mon gars, over the top, mais ils l'ont tué au début, man. Fait que ça a été... Non, j'ai vraiment pas aimé This is the End. Pis... Mais c'est ça, encore une fois, c'est juste à cause que j'aime pas cette clique de comédien-là, parce que je repense pas plus tard qu'hier en écoutant les publicités de Dodge avec Will Ferrell, tu sais. Mais la gang de Will Ferrell puis de John C. Reilly avec à la place, puis j'aurais ri comme un épais parce que bon, moi en frais de comédien cave, moi c'est eux autres que je trouve drôle. Oui. Fait que tu sais, je pense que j'aurais aimé beaucoup mieux ce film-là avec d'autres comédiens qui. C'est parce que je sais pas, je m'intéresse pas à la vie d'espèce de... En tout cas, c'est ça, eux autres. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Pierre. Écoute, on est deux là-dedans. Là. T'es pas tout seul. Je l'ai écouté, avec ma blonde. On s'est dit, hey, ça va être le fun. Tu sais, la prémisse, moi, me faisait rire. La bande-annonce me faisait tellement rire. Je me suis dit, enfin, ça va être le fun. Je vais écouter une comédie rafraîchissante qui traite sur l'horreur. Puis, je suis comme toi. Quand Michael Cera est mort, là, le film est mort aussi. Oui, c'est plate. Michael Cera me faisait pissais de rire. Mais chaque phrase qu'il disait, chaque fois qu'il était à l'écran, c'était merveilleux. Mais moi non plus, là, les films de Stoner, ça me fait pas triper. Cette gang-là me font pas triper. Puis à deux moments pendant le film, moi puis ma blonde, on s'est demandé comment le temps qu'il restait, tu sais. Ouais. À se dire, on le continue dessus, tu sais. Mais là, je me disais, ben, je veux quand même voir comment il va finir, tu sais. Puis, non, sérieux, là, je riais pas, j'ai regardé, j'avais la main dans le front, puis je me disais, tu sais, je comprenais tous les clins d'œil à Hollywood, puis tout ça, puis, mais je les trouvais plates, les clins d'œil. Les jokes, je les voyais venir d'avance. Puis moi, des jokes de, là, elle va penser qu'on va la violer. T'es-tu en train de dire que tu vas la violer? Hey, il a dit qu'il va la violer, les gars. Comment ça, tu vas la violer? Hey, moi, là, des histoires de quiproquos qui fonctionnent pas, là, ça me fait pas rire. Ouais. Tu sais, là, non. Écoute, peut-être la dernière blague, là, avec le petit clin d'œil à un certain boys band des années 90, m'a fait sourire. Oui, moi aussi. Ouais. Ça, moi, je trouvais que c'est une belle fin, là. Mais tout ce qu'il y avait entre la mort de Michael Cera puis ça. Ben, il y avait Emma Stone. Je sais que t'aimes pas les Stoner, mais Emma Stone. Okay. Ben là, ben c'est ça. Mais Emma Stone était vraiment rigolote, puis ils s'en sont débarrassés super vite. Aussi. Puis tu sais, moi, des personnages comme celui qui était un peu tâche, là, qui leur nuit tout le temps, puis qui veut y faire chier, puis qui est juste là pour foutre la merde. Celui là, qui dort dans le bain. Ouais, c'est ça. Des personnages de même, là, ça me pue au nez. Là. Je déteste ça dans les comédies. Je trouve ça tellement pas drôle. J'ai juste le goût qu'ils meurent. Puis c'est parce là, qu'il fait tout le temps ce rôle-là en plus. Ouais, c'est ça. Cet acteur-là, c'est toujours ce rôle-là. Exactement, c'est ça. Puis là, c'est censé être les acteurs, puis il est encore pareil. Exactement, c'est ça qui m'a fait chier dans ce film-là. C'est que c'est supposément des acteurs jouent leur propre rôle, mais non, ils jouent pas leur propre rôle. Ils jouent le cliché de ce qu'ils jouent d'habitude dans les films, tu sais. Exact. Les stoners sont des stoners. Comme lui, c'est un chien sale dans toutes ses comédies. C'est un chien sale là-dedans. C'est ça. Fait que moi, tu sais, je me disais, ben là, regarde, si tu veux jouer ton propre rôle, joue ton propre rôle. Ça, j'aurais trouvé ça intéressant. Tu sais, à la limite, Michael Cera, là, c'est tellement assumé qu'il joue l'opposé de l'image qu'on a de ce gars-là que c'est ça qui est drôle, tu sais. Tandis que Rihanna, tu y crois que c'est Rihanna, tu sais. Je veux dire, Rihanna qui envoie chier Michael Cera parce qu'il a pas une fesse, ben, je pense que ça se peut, tu sais. Mais en tout cas, non, c'est ça. Ça marche pas. Donc. Si je peux me permettre, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ben, vas-y, défends-le. High five, man. J'ai pas regretté du tout mon billet au cinéma. J'ai ri tout le long. Il faut que tu mettes ton cerveau à la porte, là, où tu le laisses là puis tu fais... Ah non, moi tu sais, au départ, j'étais un fan des films de Kevin Smith, j'étais un fan des films de Judd Apatow, fait que j'ai aucun problème avec cette gang-là. Puis contrairement à Pierre, si ça avait été Will Ferrell, je serais jamais allé le voir, le film. Mais ça, je peux pas te blâmer pour ça, man. Rien de savoir de Will Ferrell ou de John C. Reilly ou de cette gang-là. Fait que j'ai aucun problème avec Seth Rogen puis Jay Baruchel, puis je redécouvre peu à peu James Franco, j'en avais parlé dans l'épisode live, il commence à me... Je l'ai vu dans Spring Breaker cette année, puis c'est tellement fucké son rôle. Là. J'ai jamais. En tout cas, c'est le rôle le plus bizarre que j'ai vu de ma vie, je pense. mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai ri tout le long. C'est juste ça que je voulais dire. C'est pas parfait, puis comme tu dis, le personnage qui est chiant, il me fait chier aussi tout le long, puis je l'haïssais, là, mais en général, j'aimais ça. T'sais. Mais tu vois, je t'ai envie. Je voulais tellement l'aimer, ce film-là. J'avais tellement, là, je l'ai mis dans le DVD, là, puis je me disais, on va rire, ça va être malade. T'sais, puis c'est ce que je voulais qu'il se passe, puis finalement. Non. Mais je me disais tout le long du film, est-ce qu'ils sont fascinés par les pénis, cette gang-là? C'est incroyable. Ah, merde, ça va. Ouais, exagéré. Ça, c'est clair. Mais bon. Ben déjà, il y a une statue qui est assez emblématique de ça. Ouais. À part de tout ça, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté... j'ai un film que j'avais comme passé à côté, que tout le monde avait vu, puis que tout le monde m'a lâché des bons commentaires, puis j'ai encore une fois été un petit peu... pas déçu, mais ça, en tout cas. Le film, un film allemand de 2001 qui s'appelle Anatomie, de Stefan Rusowski. tout le monde m'avait dit comme de quoi que c'était super bon, puis je dois avouer que j'étais dans un mood de marde, j'étais vraiment, une journée que tout le monde se crie après, puis que bon, t'as hâte d'arriver chez vous, j'arrive chez vous, je me claque un film décompressé, puis j'étais comme pas dedans, ça a pas marché, j'ai pas aimé ce film-là, pas en tout, j'ai trouvé long, ennuyant, mais faut que j'y redonne une autre chance, parce que comme je dis, tout le monde m'avait donné un bon feedback là, là-dessus, comme de quoi, même moi, le monde qui me connaît bien m'a dit ça, c'est clair que tu vas aimer ça. Mais en tout cas, je vais redonner une chance très prochainement là, parce que je mets vraiment ça sur le dos de mon mood. Puis c'est rare que je suis dans un mauvais mood, là, ça m'arrive pratiquement jamais, mais là, ce soir-là, non, ça n'a pas marché pantoute. Puis un petit dernier que Steven m'avait conseillé, le film Citadel, un film, Sébastien, tu vas être content, c'est un film irlandais de 2012. Non, ce film-là, en tout cas, Steven, il me dit, écoute, c'est mon petit dada, il dit, on dirait que je suis le seul à l'aimer, celui-là, il dit, donne-y une chance, voir. J'ai détesté l'expérience d'écouter ce film-là, mais c'est pas parce qu'il est mauvais. Ça fait deux fois qu'il te conseille un film, puis que... Non, mais écoute, ben, c'est pas parce qu'il est mauvais, le film, c'est que c'est l'histoire d'un père qui, suite à, disons, le meurtre ultra brutal de sa blonde, se ramasse avec, tout seul avec sa petite fille, il tombe carrément agoraphobe dans un espèce de quartier de marde. C'est vraiment, c'est super lourd parce que on voit un père, psychologiquement très, très, très affecté, très, très, très atteint, qui vit de sa peur, qui est pogné avec sa petite fille, qui est tout le temps, il est pas à l'aise avec. C'est malaisant, ce film-là. C'est hallucinant. Le film est séparé en deux, puis toute la première partie où ce qu'on voit ça, où ce qu'on voit ce père malaisant-là pris avec sa fille, ça me mettait tout croche. Tout ce que j'avais le goût de faire, c'était de partir en haut dans la chambre à ma petite, la pogner dans mes bras, puis de dire que je l'aimais. Ça m'a tout, tu sais, ça m'a vraiment viré à l'envers. À mort, là. Ça n'en fait pas un mauvais film. Il y a comme une deuxième partie, une séparation ben sec en plein milieu où ce que ça tourne vraiment à l'horreur, où ce que ça devient un film, je dirais presque un huis clos d'horreur, un petit peu plus poussé, quand justement le père se retrouve à aller chercher sa fille au bras de ce qu'on pourrait croire être des espèces de démons. Cette partie-là est vraiment bonne, mais on dirait que j'ai été tellement troublé de la première partie que ça m'a laissé un goût amer. Je sais pas si c'est parce que je suis papa d'une petite fille que ce film-là m'a affecté à ce point-là, mais je peux dire que c'est un bon film, mais je vais plus juste jamais le revoir, tout simplement. Ça m'a fait un drôle d'effet que rarement des films réussissent à me faire. Fait qu'on peut dire que dans le fond, c'est réussi, parce que si le but est quand même de te faire vivre ce que ce père-là vivait, puis ça, ben non, ça a marché pour moi. C'est juste que c'était trop. C'était vraiment, non, pas agréable. Ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour, chers amis. Yeah. Pas mal, ouais. Ben, je voudrais parler vite, bientôt, c'est-à-dire dans deux jours exactement. Sébastien et moi, on va se recroiser de visu. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hey, au moins 6 mois. À peu près. On va être du podcast All Star cette année. Ben, cette année, c'est tout nouveau pour moi. Sébastien, lui, c'est déjà un habitué. Écoute, je commence à trouver ça plate. Là. Et ben, je trouve ça vraiment cool de pouvoir y aller cette année. J'ai vraiment hâte de voir la gang, de voir tout. Écoute, il y a du monde comme Maxime Tremblay que j'ai jamais vu de visu, que je vais pouvoir enfin te serrer à la main. Ça va être vraiment cool. Moi, j'ai su entre les branches qu'il y avait un certain Johan Carl Wiesel qui était pour être là. Oui. Fait que je compte sur toi, Sébastien, me retenir pas que je tombe dans les pommes comme une petite fille en face d'un Beatles. C'est bon, puis écoute, il va y avoir nos copains de l'horreur web aussi qui vont nos être là. Nos copains d'horreur web vont être là. Oui. Qui c'est qu'il va y avoir? Il va y avoir beaucoup de monde foutrement intéressant. Écoute, les Mystérieux Étonnants, Rétro Nouveau. Dernier des podcasts. Dernier podcast, Trois Bières, Commission des Geekers, Radio Talbot, Pas de problème. Ouais, écoute, là, vite de même, là, c'est pas mal ça qui me vient en tête. Là. C'est la crème. C'est ça, la crème. Dis pas ça, ça pourrait faire des jaloux. Toute la communauté, là. Là. Je cherche pas le trouble. Merci, Kevin. Fait que c'est ça, t'as dit, manquez pas ça, l'épisode. Écoute, c'est l'épisode du podcast All Star de cette année. Ça risque d'être vraiment cool. On va avoir beaucoup de plaisir, j'ai aucun doute. Ceci étant dit, on va starter notre épisode spécial Loup-Garou. Ça fait longtemps qu'on vous en parle. Et puis, je voulais juste dire, Tu sais, nous autres, on s'est comme donné le mandat, nous autres, à Horror Gamer, de chercher des films qui sont un peu moins mainstream, qui sont peut-être un petit peu plus rares, un petit peu plus sous la cote, qu'on pourrait dire. Et c'est pas évident quand on cherche des films de loup-garou, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. J'ai croisé un film comme American Werewolf in Texas. Hey boy! Ouais, c'est ça. Je peux juste vous dire, non, donnez-vous pas le donnez-vous pas le trouble, c'est assez terrible. Fait que c'est pourquoi qu'on a choisi des films d'aujourd'hui qui sont quand même assez, disons, connus, mais tout de même intéressants pour qu'on puisse en jaser. Fait que on se lance-tu là-dedans après un petit jingle? Ouais. Oui. Non. Ben on va le faire pareil. Ah, calice. Ah ben c'est le fun. Ouais ben à soir on parle de Bad Moon. Un film de loup-garou. Je pense que c'est ça qu'on fait. Je surprends personne là, les gars, j'espère que... Donc c'est un film de fait par Eric Red. Un gars que moi je connais personnellement pas beaucoup. Je sais qu'il a fait The Hitcher et la suite Attachez-vous de Hitcher 2. The Hitcher, me semble, dans mes souvenirs, c'était quand même bon. Ouais, c'est ça. Frogger Girl Over, justement. Ouais. Je pense que c'est pas mal juste ça qui a fait de bon. Après, il y a IMDb, il a écrit le film Near Dark, aux frontières de l'aube. Oh. Ah, ok. Ça, je savais pas hein, ça. Non, fait que c'est ça. C'est avec des acteurs qu'on connaît pas beaucoup non plus. À part Mason Gamble qui est le jeune d'Adonis, la petite bête. La petite bête. La petite peste. Un beau c'est lapsus. Je l'avais déjà vu, c'est vrai, c'est ça. Ouais, exactement, c'est le gamin dans le film. Pour vrai, ça, tu l'avais pas reconnu. Moi, c'est la première chose que j'ai vue, puis ça a fait comme... Parce que, en tout cas, ben, on en parlait tantôt, là, mais je l'avais jamais vu, moi, ce film-là, puis ça a fait comme... Ah, pas lui! Mais c'est parce que moi, j'avais déjà vu le film, fait que je me disais, c'est-tu parce que je m'en rappelle, tu sais. Mais il y a Marielle Hemingway, quand même, là. Ouais, aussi. Qui est connu, mais je me rappelle pas pourquoi. Manhattan de Woody Allen. Ah, ben oui, voyons. Si. Et voilà. Un autre film que je suis trop jeune pour avoir vu. sinon, un autre acteur digne de mention, je pense que c'est le chien. Je pense qu'il mérite un Oscar. Pas mal le meilleur acteur du film. assez pour les affaires pas intéressantes. On va y aller avec l'histoire. L'histoire est assez basique. C'est un gars, Ted, qui s'en va avec sa petite amie pour aller faire du camping. C'est pour profiter de la nature et fourniquer. Puis finalement, dans la nuit, ils font leurs affaires puis tout. Une belle scène en plus. Oui. Puis finalement, ils se font déranger un moment donné. Il y a du bruit. Fait que là, ils se décident d'aller voir. Puis c'est un beau loup-garou qui attaque le jeune couple. Fait que là, ça en suit une petite scène où on comprend que la madame en a pas pour longtemps. Puis notre ami Ted, qui s'appelle, il se fait griffer. Donc, ça commence comme ça, mais il réussit à tuer le loup-garou. Tu sais, quand on dit se fait griffer, là, on parle pas d'une petite graphique de chat. Non, non, c'est ça. C'est la grandeur du chest, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, on a comme un petit espace-temps, là, si tu veux. Puis après ça, il se ramasse, il retourne aux États-Unis pour aller habiter chez sa sœur avec son neveu, puis le chien de sa sœur. Le fameux extraordinaire acteur. Les États-Unis qui sont en fait la Colombie-Britannique, là. ouais, parce que ça a été tourné où tu parles que c'est juste moi qui n'ai pas. Ouais, non, c'est ça. Ça a été tourné encore. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, avec le fameux chien justement qui a un nom tellement badass qui s'appelle Thor. Ouais, ça, j'avoue que c'est vraiment dans les dents. Tu sais, je veux dire, si j'ai un chien un jour, c'est sûr, je l'appelle comme ça. fait que c'est ça. Là, lui, ben on sait que c'est un loup-garou, mais bien évidemment qu'il ira pas dire ça à sa sœur, hey, je suis devenu un loup-garou. Mais t'as comme le chien qui s'en rend compte un peu. Puis tout le long, ben c'est ça, c'est lui qui essaye d'éviter de se faire prendre. Puis le chien qui essaye de dire à sa maître que lui, c'était pas fin. en bref, je pense que c'est assez bien résumé. Mais c'est ça. Fait que j'aime ton entrain dans le sens que je pense que tu aimais ça. Je te dirais que je m'attendais pas à avoir un label et le clochard. T'sais, on dirait que c'est vraiment l'échange est concentré sur le loup-garou et le chien. Tout le long, tu sais, t'as le chien qui s'en va le voir, puis là. c'est comme il jappe après, puis l'autre il la regarde avec des yeux méchants, mais tu sais, tu peux pas dialoguer bien, ben. Fait que... Mais. Hey, attends fait un peu, Kevin, avant d'aller avec ton opinion, on va faire un petit tour vite. On va commencer par toi, Seb, t'avais l'air d'être bien parti. Écoute, non, mais moi j'ai l'impression que Kevin il aurait voulu que ce soit comme retour au bercail, puis qu'il ait donné une voix. Ben, quasiment, tu sais, au moins ça aurait peut-être été plus court. Tu sais, déjà que le film il dure pas longtemps, mais tu sais, il dit, hey, regarde, lui c'est un loup-garou, ça finit là, il a le shot, puis tu sais, on vient de sauver une bonne heure de notre temps, de notre vie. Seb, vas-y, oui, vas-y, oui, vite. Oui. Écoute, le film commence en force. Sérieusement, moi, la scène du début avec le couple qui baise, puis écoute, on se le cachera pas. Le réalisateur nous gâte un peu avec la copine qui nous montre ses atouts. Et même en plus avec une scène quand même assez gore, là, je veux dire, le loup-garou, quand il tue la fille, il la tue, là. C'est violent. Puis après ça, le gars, il éclate la gueule du loup-garou à coup de shotgun. Puis tu te dis, oh yes, ça va être vraiment le fun, tu sais. Tu sais, ça commence bien. Le film n'a pas perdu de temps. Il a commencé vite. Pour après ça ralentir, se mettre au neutre. Mais moi, ce film-là, j'ai comme pas eu l'impression que j'écoutais un film d'horreur. J'ai eu l'impression que j'écoutais un film d'aventure. Dans le sens que quand il y avait des shots de paysage, la musique, c'était comme une musique de retour au bercail ou c'était des films des années 90, là tu sais. Mais moi, l'impression que j'ai eue, c'est. Excuse-moi. Tu sais, quand t'es malade, là, quand t'étais jeune, puis que. Tu restais chez vous, puis les films qui passaient à TQS l'après-midi, là. J'avais l'impression d'écouter ça, esti, tu sais. Man, t'as mis le doigt dessus. Ouais, c'était en plein ça. C'est, on dirait que le film oublie. Au début, il fait comme, je suis un film d'horreur. Et ben non, finalement, je vais juste être un film qui présente un gars qui est en train de devenir un loup-garou, puis qui essaye, par l'amour familial, de se guérir de cette malédiction-là. Puis finalement, il s'en rend compte que ça marche pas, puis bon, ça va mal tourner, tu sais. Ouais, c'est vrai, puis, j'ai oublié de préciser ça. C'était pour ça qu'il allait aux États-Unis. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est parce qu'au début, tu te dis, oh mon Dieu, OK, ouais, c'est lui le loup-garou, puis la femme, elle le sait pas, puis hey, ça va mal tourner, puis là, le chien est au courant. Puis, mais c'est ça pendant 45 minutes, c'est ça. Là. C'est ça pendant 45 minutes, puis même 50 minutes de le chien le sait, personne d'autre le sait, le gars sait que le chien le sait, tu sais. T'as des échanges de regards. Tu sais. Puis, mais tu sais, tu vois le loup-garou quand même assez rapidement. Puis, quand tu vois le loup-garou, tu fais comme, mais cool, il est vraiment beau, le loup-garou, là. Puis, moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, dans un film de loup-garou, je m'attends à deux choses. Trois, mettons. Je m'attends à un loup-garou qui est badass, qui fait peur, ou en tout cas, qui a de l'air violent. Je m'attends à une transformation de loup-garou qui est vraiment cool. Puis je m'attends à de la violence, parce qu'on s'entend, un film de loup-garou, c'est pas là pour flatter du monde, tu sais, c'est là pour tuer fort, tu sais. Puis, ce film-là te donne un loup-garou qui est vraiment badass, une transformation de loup-garou qui est probablement la pire que j'ai vue de ma vie, et des scènes de gore qui se passent pendant les 5 premières minutes, puis qui se passent plus après, tu sais. Peut-être dans la petite poursuite finale là, dans la maison où ce que le loup-garou défonce des trucs, tout ça, c'est pas pire, là, mais c'était tellement emmerdé avant que finalement, ça, tu es rendu là, t'as juste hâte que ça se passe, t'as hâte que ça finisse. T'sais. Sinon, ce film-là, je vais le dire, hein, il est original. Dans le sens que, habituellement, un film de loup-garou, c'est toujours soit sur les pulsions qu'on a à l'intérieur, un peu comme The Howling, ou ça va être sur des métaphores et tout ça. Tandis que là, c'est juste un truc de le chien. Le chien est le personnage principal du film. La preuve, c'est que ce film-là est basé sur un livre qui s'appelle Thor. Oh. T'sais, le livre, c'est le nom du chien. T'sais. Fait que, clairement, le film met le chien comme personnage principal. Puis, c'est ça qu'on comprend. C'est juste que mettre un chien comme personnage principal, c'est un osto de guess à prendre. Puis je suis pas sûr que ça a été réussi à 100%. Tu sais? C'est ça qui m'a tanné un peu dans ce film-là. Mais ça reste un film qui réussit pas à faire ce qu'il a voulu faire. Ça reste un film qui tourne en rond. Un film qui se veut original, mais qui finalement a peut-être pas pris une bonne direction. Tu sais, oui, c'est le fun. Des fois, une bonne idée, c'est trippant, mais ta bonne idée, des fois, c'est le fun de se rendre compte qu'elle était pas bonne, finalement. Tu sais. Puis c'est ce que je me suis rendu compte avec Bad Moon, c'est que dans mes souvenirs, c'était bon en maudit. Là. Parce que peut-être justement, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais malade, puis il était 3h l'après-midi. <C'est> j'écoutais à TQS. Mais non, c'est ça. Clairement, ce film-là oublie qu'il est un film d'horreur, puis nous en sert plus tout le long du film, et il nous sert plus rien. T'sais. Il nous fait juste ressasser pendant 50 minutes la même idée sans la faire avancer. Puis je pense que c'est pas mal ça. Ben man, vois-tu, je suis surpris parce que je me sentais mal de dire que j'avais comme pas vraiment apprécié ce film-là, puis tu viens de dire mot pour mot ce que j'en avais pensé, parce que oui, c'est exactement ça. Moi, je l'avais pas vu, Bad Moon, je l'avais jamais vu, ça a été probablement une des raisons décisives du pourquoi je voulais qu'on fasse ce film-là ce soir. La deuxième raison, c'est que j'ai regardé le trailer, et dans le trailer, on voit la scène où, justement, le loup est à l'intérieur de la maison, et puis ça brasse, puis tout. La créature m'a fait triper, elle est vraiment cool, j'ai adoré. Tout de suite, en voyant le trailer, j'ai dit, ben non, c'est clair que je veux voir ce film-là, et ça a été... Hey, ça a été tout un coup. C'est pas vraiment le genre de film auquel je m'attendais, dans le sens où on sait pas, comme tu l'as dit, tu sais, ça commence raide, ça commence comme un film d'horreur, puis après ça, on sait pas vers quoi qu'on s'en va. Des fois, ça a l'air d'un film, carrément un petit bout de film pour enfants avec les scènes du jeune avec son chien. Pas que ça me dérange, normalement, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vraiment pas régulier. Puis ça en devient un peu déstabilisant. Le scénario sans surprise m'a laissé comme froid. Sans surprise dans le sens où en partant, on sait c'est qui le méchant, on sait que c'est un loup-garou, puis that's all, là. Et puis notre antagoniste, je l'ai pas pogné non plus. Lui aussi, il était régulier. Tu sais, tantôt, il faisait pitié parce qu'il était atteint justement de lycanthropie, puis ça marchait pas. Puis deux minutes après, ben là, il se mettait à faire des gags en voyant le film de loup-garou à télé, puis il se met à dire comme ah, c'est de la merde, c'est du cinéma, moi j'étais un loup-garou méchant. Puis c'est pas comme s'il y avait une évolution. Tu sais, s'il partirait comme une pauvre petite victime atteinte de lycanthropie, puis qui devient tranquillement, tu sais, en avançant dans le film comme un méchant, ça aurait pu fonctionner. Mais là, c'est pas le cas. C'est ça switch, hein? C'est aléatoire. Tu sais, on sait pas comment le prendre. Ben, il est-tu méchant? Il est-tu fin? Puis c'est ce qui m'a laissé le plus froid. T'avais-tu une bonne? Tu sais, quand tu dis, il parle du film là qu'il écoute à télé en noir et blanc, je pense que c'est-tu The Wolfman? Oui, c'est The Wolfman. Puis tu vois la transformation du loup-garou dans The Wolfman. Puis après ça, plus tard, tu vois, oui, c'est ça. Être plus trippante, même si tu comprends le truc de la transformation dans The Wolfman, tu fais comme, ben écoute, au moins eux autres, ils ont essayé. ben ça, je sais pas. C'est vrai que c'était mauvais, mais ça m'a pas dérangé, comme je disais en début d'épisode. Moi, même les shows les films qui vieillissent mal, souvent ça me dérange pas tant. Tu sais, c'est pas ça pour coûter. C'est juste que je trouve qu'il est bon. D'un, il est instable dans son scénario, dans ses personnages. Puis, au côté réalisation, elle est bonne. Elle est juste. Elle est banale. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est bon, ça marche, c'est bien fait. Mais il manque le petit quelque chose pour faire comme. Wow, c'était cool. Tu sais, on parlait d'un réalisateur qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, qui a pas un gros, gros, gros board à son actif. Mais c'est peut-être la raison pourquoi c'est une bonne réalisation, mais c'est très, très, très sobre. Il y a vraiment pas de quoi triper, là. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que j'ai pas trippé sur Bad Moon. Ça m'a comme laissé un peu... J'étais déçu de pas l'avoir aimé. En tout cas, ouais, c'est pas mal ça. Je pense que continuer, ça serait de me répéter maintes et maintes fois, puis de redire ce que t'as déjà dit, Sébastien. Fait que, on va passer à Jean-François. Oui. Question pour vous autres. Si le chien avait parlé comme dans Retour au Bercail, quelle voix vous auriez imaginé? Yves Corbeil, c'est sûr. Oh, c'est quand... Ouais, je pense qu'Yves Corbeil, c'est un bon chien. Bernard Fortin. Corbeil dans le rôle de Thor. Non, Bernard Fortin. Bernard Fortin. Comme dans Retour au Bercail, justement. C'était pas lui qui faisait la voix de Chance. Hein? C'est ce que je me rappelle. Oui. Oh! C'est pas un très bon film, Bad Moon. Moi, je l'avais déjà vu. Mais je dois avouer que je suis un semi-fan de Michael Parry. Je trouve le gars sympathique. T'sais, il est pas bon acteur, mais il est sympathique. Ouais. Il veut, il essaye. Moi, il a toujours fait partie de mon paysage cinématographique. T'sais, j'avais trippé quand j'étais jeune sur l'expérience de Philadelphie, puis Eddie and the Cruisers, puis Streets of Fire. En tout cas, ces films-là. Mais c'est ça, c'est pas... Bad Moon, je trouve que son personnage prend beaucoup de mauvaises décisions. Il pourrait juste aller voir sa sœur puis être honnête avec elle puis en parler, tu sais, plutôt que créer toute cette tension-là puis tout ça. Puis jouer aux cachotteries comme ça, là, tu sais, je trouve ça ridicule. Moi, je suis du genre, en tout cas, c'est ma personnalité. Moi, c'est comme, je vais dire tout de suite ce que je pense puis je vais dire, si j'ai un problème, je vais en parler puis on va régler ça tout de suite, tu sais. Fait que je trouvais ça idiot de pas en parler, là, puis moi, j'ai aimé le chien. Wow. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je trouvais qu'il était bien dirigé. Je trouvais que... Je sais pas, j'ai ressenti les émotions du chien quasiment. Là, tu sais, je comprends tout ce qui se passe dans la tête du chien. On comprend tout. C'est incroyable comment qu'on comprend tout. C'est dur de diriger un chien. Je suis sûr que c'est très, très dur. Je trouve que dans les chiens au cinéma, ils se classent dans ceux que j'ai vus comme les meilleurs, comme le chien de The Artist ou celui du film Mask avec Jim Carrey, puis des chiens qui sont que je trouve qui sont vraiment bien dirigés. En tout cas, lui m'a impressionné. Là. La transformation, j'ai trouvé ça affreux. Vraiment affreux. Non, c'est ça. C'est très, très lent. Non, c'est pas un très, très bon film. J'ai pas pris de note, je m'excuse, mais c'est ça, c'est pas un très, très bon film. T'as pas besoin de te défendre. Je pense qu'on arrive pas mal tous à la même conclusion. Toi, t'as-tu tes trivia avec toi? Oui, je les ai. Ben, tu me gardes ça pour la fin. D'accord. On va aller demander à Kevin. Bon, on s'en doute un petit peu, mais vas-y donc ton opinion sur... Ouais, j'aimerais rajouter de quoi en passant sur la sœur, justement. Il y a une scène au début qui est vraiment anecdotique, mais tu sais, quand elle rencontre le gars qui est une espèce de fraudeur... Oui. Tu sais, qui vient essayer de la frauder. Puis tout de suite, elle le sait, tu sais, elle sait que c'est un gars. Tu sais, elle dit tout, là, t'essaies de nous frauder telle façon. Puis elle est même pas capable de sentir que son frère a changé, tu sais. Non, c'est ça. Puis son chien, justement, il est bon, là. Il essaye de dire, là, tu sais, il jappe, il saute dessus, il grogne après l'autre. Voyons, qu'est-ce que c'est, tu sais. Voyons, c'est une avocate qui vient de pogner un fraudeur en 30 secondes. Puis là, après, t'essaies de me faire croire qu'elle est pas capable de. C'est de voir que son frère a changé. Parce que j'ai trouvé ça assez spécial. C'est un bon point, ça, par exemple. C'est vrai. Ouais. Sinon, aussi, comme vous parliez de la transformation, tu sais, c'est un film de 96. Puis j'ai écouté Silver Bullet, qui est un film de 85. Puis la transformation dans ce film-là, elle dure peut-être 2 minutes quasiment. Là, puis elle est vraiment impeccable. Elle est vraiment belle. Puis on y croit, puis tout. Ah, ben je pense qu'il aurait pu se forcer un petit peu plus. American Werewolf in London, c'est quelle année, ça? C'est 82. Puis ouais, la vidéo de Thriller par la même gang aussi. C'est, oui. C'est ça qui m'a déçu un peu. C'est The Howling, la transformation était cœur. Hein? Oui. C'est ça qui m'a déçu un peu. T'sais, je comprends qu'ils n'ont peut-être pas eu le même budget, mais pour l'année du film, si c'était un film-là, tu m'aurais dit que c'était un film de 80. OK, tu peux y pardonner certaines lacunes, mais... Un film, on parle de 96, c'est quasiment les années 2000. Là, c'est... Faudrait comparer petit... avec le film avec Jack Nicholson, Wolf. Ouais. la même année, je me souviens pas s'il y a une transformation. Non, je me souviens pas s'il y en a une, mais non, il me semble qu'il se transforme pas de façon assez complète. Là. C'est assez. Son visage change un peu, puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu basic, un peu plus, mais c'est sûr que d'après moi, avec Nicholson, ils ont un peu plus de budget là, ouais. Pour faire le film, mais. C'est ça, c'est des choses qui m'ont déçu. Sinon, ben, ça serait se répéter un peu. Là, vous avez pas mal tout dit. Bon. On y va-tu avec nos recommandations? On va être dans le même. Vas-y donc, Kevin. Ben, moi, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté dans un pack qui venait avec 3 autres films. Ah, okay, ouais, c'est vrai, c'est quoi ce pack-là? Déjà, il y a... Attends un petit peu. Il y a Coma dedans, il y a Wolfen, puis il y a Body Snatchers. OK, ben écoute, achetez ce pack-là juste pour Body Snatchers. C'est la version de... c'est la version avec Kiefer Sutherland en plus. 78. Ouais, exact. C'est la version 78 avec Kiefer Sutherland. Achetez ce coffret-là pour Body Snatchers, puis écoutez Bad Moon pour les 5 premières minutes. Coma, c'est avec Geneviève Bugeaud, je pense. Oui, en plein ça. Puis Michael Douglas. OK, c'est connu ça aussi, ce film-là. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que... Wolfen aussi, c'est un bon film. C'est pas un film de loup-garou, c'est un film de loup. Mais c'est dans les lycans, dans le fond, dans certaines mythologies. Aussi, en parlant de mythologie, dans Bad Moon, je trouve qu'ils ont vraiment pas respecté. Tu sais, t'as pas... Faut pas des balles en argent, puis il peut se transformer à toutes les fucking nuits. T'as pas besoin d'une pleine lune. Ouais, contrairement au titre français, tu sais. Ouais, mais ça revenu souvent, man. Parce que, mettons, tu sais, cinématographiquement parlant, j'écoutais le making-of de The Howling, puis il expliquait que, tu sais, dans le fond, si l'histoire de la pleine lune, c'est parce qu'il faudrait que notre film, pour avoir les transformations qui valent la peine, il faudrait que notre film s'étire sur 4 ans pour avoir assez de transformations, pour que ça soit le fun. Ouais, pas nécessairement, tu sais. Je veux dire, le deuxième film qu'on va parler à soir, ça se déroule en une nuit. Tu sais, tu peux faire ça, tu peux tirer un peu. Oui, oui, mais je parle dans la mesure où il y a un scénario pour quelqu'un. C'est sûr que dans ce film-là, ça n'aurait pas fonctionné, mais. Non. Sinon, c'est ça, t'es obligé toujours de faire passer ça dans la même nuit. Oui, exact. Mais sur ce film-là, ça n'aurait pas fonctionné. Ou mais dans Silver Bullet, où est-ce que ça se passe une fois par mois. Bon. Ouais. Seb, ta recommandation? Ben regarde, je viens de le dire. Là, achetez le coffret des 4 films. Vous allez avoir Body Snatchers, qui pour moi est un putain de chef-d'œuvre. Puis vous checkerez 5 premières minutes de Bad Moon. Jean-François? Même chose. Bon, je pense que dans un pack comme ça avec ces films-là, ça vaut la peine. Je peux pas dire autrement, ne serait-ce que. Non, c'est une bonne idée, dans le fond. Coûte combien ce pack-là? 10$? Une dizaine de pièces, ouais. J'ai acheté avec une couple d'autres films, mais je pense que c'est à peu près ça. Ça aurait de la lueur. Disponible chez Walmart, d'ailleurs. Ben oui. Ouais. J'ai pris sur Amazon.ca. Bon, excellent, ça. Petit placement de produits. Walmart et Amazon. On ressort des appels à soi. Jean-François, je t'avais demandé, parce que toi, t'es comme l'expert des trivia et des fun facts. Je t'avais demandé de nous en enregistrer pour le show, mais c'était pas prévu que tu viennes faire l'épisode en partant. Fait que tu nous as gardé ça pour le show, finalement. Fait que j'aimerais ça que tu nous lâches ça, voir question qu'on se rigole un peu. Mec, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir que je vous amène, je vous arrive avec des trivia régulièrement là, sur les films qui vont être discutés. Puis je vais essayer de trouver des trucs qui ne sont pas nécessairement trouvables sur IMDb ou trop facilement. Là, faut que je barre de ma liste que Mason Gimbel joue dans Denis la menace. Ça, c'était le trivia facile dans ma gang. Mais pour Bad Moon, c'est ça, comme tu disais, Pierre, il n'y a pas grande info sur ce film-là. Fait que j'ai trouvé quelques affaires quand même. Moi, au générique, il y a un nom qui me saute aux yeux, c'est Ken Kersinger. Je pense que les fans d'horreur vont pouvoir connaître ce nom-là. C'est lui qui a fait Jason Voorhees dans Freddy vs. Jason. C'est lui qui joue la créature dans Bad Moon, qui est dans le costume. Okay. Puis Kersinger avait aussi joué dans Jason Takes Manhattan. Il se faisait tabasser par Jason, qui à ce moment-là était joué par Ken Hodder. Puis Ken Hodder, puis lui, c'est des grands chums dans la vraie vie. Puis Kersinger, c'est aussi un chum à Robert Englund. En tout cas, c'est un cascadeur bien apprécié dans l'industrie, puis tout. Puis ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Comme tu disais, Sébastien, le roman à l'origine du film s'appelle Thor. Ça s'appelle c'est par Wayne Smith. Puis ça raconte l'histoire entièrement du point de vue du chien. Puis dans le roman, la famille comprenait 2 parents puis 3 enfants. Donc c'était très différent. Puis cette famille-là, le chien les voyait comme sa propre meute à défendre. Et quand l'autre est arrivé, ben c'est pour ça qu'il. Qui était méfiant. Là, ben, tu vois, peut-être que le roman est intéressant. Peut-être. Ouais. Ben, je suis vraiment curieux, sans blague. Hein. Je suis vraiment curieux de lire ça. Parce que c'est un point de vue d'histoire de loup-garou qu'on n'a jamais vu. Non, c'est que ça. Peut-être que le film n'a pas réussi à transmettre complètement, mais quand même, tu as des limites parce que c'est un chien. T'sais. Ça a l'air que le loup-garou est quasiment secondaire dans le roman. Là. C'est plus l'esprit de meute qui est exploré. Pis, cool. Pour trouver le bon chien, il y a eu plusieurs screen tests qui ont été nécessaires. Il a fallu, après ça, le dresser pendant 6 mois avant le tournage. Puis pour faire ça, il a fallu établir une liste à l'avance de tous les comportements que le chien devait apprendre selon ce que le scénario exigeait. C'est-à-dire, c'était tout découpé, genre, là, il marche vers un lit. Après ça, il marche vers le lit. Après ça, il traîne avec lui un jouet d'enfant. Il met le jouet de l'enfant près de la tête de l'enfant. le jouet, c'est ça. Après ça, il lèche le visage de l'enfant, puis tout ça fait de même. Il faut qu'il découpe tout ça, puis ils apprennent tout ça aux chiens un par un. C'est vrai, il y a la scène où ce qui fait ça, que j'ai, qui m'a comme sauté aux yeux, le chien qui s'en va carrément comme bordé. Oui, l'enfant, puis après ça, il s'en va voir la femme pour faire comme, t'es-tu correct? T'sais? Exactement, oui. Cette scène-là était bonne. Parce que c'est... dans cette scène-là, c'est là que tu voyais justement à quel point que le chien était bon. Oui, moi, ça m'a vraiment impressionné, toutes les actions du chien dans le film. C'est, mais c'est ça, il n'y a pas juste un chien. En fait, le film était tourné avec deux chiens principalement. Le chien principal s'appelait Primo. Puis c'est le chien pour les gros plans. Un gros mâle alpha hyperactif qui ne voulait jamais rester assis très longtemps, apparemment. Puis le réalisateur disait pour 3 secondes de film utilisable, on avait genre 5 minutes de pellicule où ce que le chien faisait n'importe quoi, il se grattait. pas évident de tourner avec un chien. Il y avait aussi Echo, une femelle plus âgée qui était là juste pour les plans où ce que le chien est assis, où ce qu'on la voit par-dessus l'épaule, où elle marche tranquillement. Selon le réalisateur, Echo était une vraie bitch, mais c'est quelque chose qu'on voit pas sur le film vraiment. Là, la scène finale de l'attaque où ce que le chien saute sur le loup-garou, ça c'est un chien d'attaque est-allemand, le genre de chien qu'on trouve aux frontières, aux douanes. Puis pour cette scène-là, il y avait comme padé le costume de Ken Kersinger. C'est un chien vraiment sauvage. Là, le réalisateur, Eric Red, dit qu'il déteste la transformation finale en CGI. Ah, ok. Ah, bon, que pour la version TV qu'ils ont faite, ils ont refait le montage en laissant juste le plan des pieds griffus qui sortent des chaussures. Ça aurait été parfait. Il dit, selon lui, c'est meilleur comme ça. Ce film-là, tant qu'à faire, n'aurait jamais eu besoin de transformation. Non, c'est ça. C'est vrai. Puis, OK, j'en ai un autre. Steve Johnson, le responsable des effets spéciaux sur le film. Pas les effets spéciaux en CGI, mais plus le costume. Il a également travaillé sur un American Werewolf in London avec Rick Baker, c'était un assistant. Puis, c'est aussi lui qui a créé le fantôme vert de Ghostbusters, Slimer. Ah, cool! Puis, il a créé les extraterrestres du film Abyss aussi. De Cameron. C'est pas rien, Cameron. Ça. Fait que c'était ça mes trivia pour ce film-là. Merci beaucoup, c'était vrai. Non, sérieux, c'est... Wow! Bon, content de t'avoir demandé ça. Ouais. C'est super intéressant. Hey, on va prendre un petit break, on va y aller en musique. Et qui dit musique, qui dit spécial de loup-garou, dit musique de loup-garou. Encore une fois, Jean-François, tu demandais sur le Facebook cette semaine, je pense, oui. La musique d'ambiance par rapport à l'Halloween, à l'automne qui s'en vient, puis toute la patente. Puis moi, ma réponse a été tout de suite typo négatif, parce que c'est ça. Moi, le mois d'octobre arrive, c'est ça que je me plante. Puis, bon, ben, parlant de films de loup-garou, il y a l'excellente tune Wolf Moon qu'on va aller écouter à l'instant. Yeah. I will tease you all the same. Unholy water, sanguine emissions, whose silhouettes are as on poursuit avec Dog Soldiers, un film réalisé en 2002 par Neil Marshall. Neil Marshall, c'est un nom qui vous dit sûrement quelque chose parce que c'est entre autres le réalisateur de l'excellent, en tout cas selon moi, The Descent et aussi The Descent Part 2. Non, il n'est pas un réalisateur, pardon, il est juste producteur exécutif de The Descent Part 2, mais anyway, je ne l'ai pas vu. C'est aussi lui qui a réalisé Doomsday, que j'ai pas vu, mais que les commentaires étaient quand même bien pour ce film-là, genre post-apocalyptique à la Mad Max. Ah, ok, en tout cas. À l'époque que je travaillais au club vidéo, le monde l'aimait bien. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler de Doomsday. Dark Soldiers raconte... commence avec la même fucking scène que Bad Moon. Un couple dans des bois qui sont dans une tente, qui décident qu'ils vont fourrer. Il y a quelque chose qui ouvre la tente. C'est un loup-garou. Attaque la fille. Sauf que là, le gars, lui, il s'en sort pas non plus. Il va se faire attaquer. La scène est un petit peu moins généreuse que Bad Moon, dans le sens où ils n'ont pas le temps de se rendre aussi loin que dans Bad Moon. Puis, côté gore, est un petit peu plus léger. T'sais. On se dit comme, bof, oh, OK. Et ça cote. Et on... pour faire une histoire courte, on suit un groupe de militaires écossais qui sont en entraînement dans la forêt. Et après une nuit à se raconter des histoires, il va arriver quelque chose de bizarre. Une vache morte va lui tomber dans la face. Et ils se disent « Fuck, qu'est-ce qui se passe? Cette vache-là a été attaquée par un animal. » Puis en tout cas, il y a des trucs louches qui se passent. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe autour. Vont découvrir un général d'un autre groupe d'agents spéciaux. Ceux-là ne sont pas en exercice, ils sont bel et bien en mission. On va savoir plus tard en quelle mission qu'ils sont. Mais ce général-là, on l'a vu au début du film, c'est un astichien sale, c'est un trou de cul de première. Puis on l'haït quand on le voit, puis on se dit qu'est-ce qui s'est passé avec sa gang. Évidemment, on comprend que sa gang s'est fait décimer par un loup-garou. Et lui, il dit vitement on pensait qu'il y en avait juste un. On pensait qu'il y en avait juste un. Puis là, tu te dis, oh shit, c'est pas un loup-garou, c'est des loups-garous. Et là, notre gang de soldats qui sont en exercice vont se faire poursuivre par non, pas un loup-garou, mais j'ai pas compté, là, mais 4, 5. Oh, dur à dire. Je pense que même, il y en a peut-être jusqu'à 6-7. Ouais, hein, écoute, c'est en tout cas, un osto de gang de loups-garous. Et le film va se passer, comme on disait tantôt, dans une seule nuit où nos soldats vont se faire sauver par une fille, vont se faire amener dans une maison, vont essayer de défendre cette maison-là. Mais bon, les loups-garous vont essayer de les attaquer. Écoute, c'est pas mal ça, le résumé. Donc, une gang de soldats qui doivent se défendre tout le long d'une nuit contre un groupe de loups-garous qui veulent leur peau et leurs intestins. Excellent, ça. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de Dog Soldiers? Ben, moi, j'ai aimé ce film-là. Après avoir écouté Bad Moon, j'espérais avoir de quoi de mieux sous la dent. Puis c'était très bon. J'ai aimé le rythme du film, malgré que ça se passe dans une nuit. Ils prennent quand même le temps de présenter les personnages, puis t'as le leader, je sais pas si c'est un caporal général ou whatever, qui à un moment donné, ils sont tous, avant justement de se faire attaquer, ils parlent, ils racontent une histoire qui est arrivée, puis tous les personnages sont là, puis ils l'écoutent attentivement. Puis moi, j'étais devant ma TV, j'avais la gueule à terre, puis je l'écoutais comme si, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. Sinon, le rythme, après ça, il prend une tangente un peu plus à sur-accélérer. Quand les loups-garous sont là, c'est tout le temps bien fait. Le gore est en évidence, mais on voit jamais les créatures de suite. T'sais. Ça, j'ai aimé ça aussi. Tu vois les meurtres, mais tu vois pas la créature en tant que telle. Ça prend du temps un peu dans le film. à part de ça, la transformation, encore une fois, qui est médiocre. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça triste un peu. Un petit peu mieux fait que dans Bad Moon parce que ça utilise pas du CGI, mais. Médiocre dans le sens qu'on la voit pas beaucoup. On la voit quasiment pas. Ouais, puis... mais au moins, tant qu'elle la montre. Je préfère qu'on la montre moins que plutôt qu'on nous montre quelque chose qu'on fait comme oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais je trouve ça décevant, tu sais. C'est un film de loup-garou. C'est tourné autour des créatures. Puis la créature, ben, c'est sa transformation qui est intéressante parce qu'un loup-garou, c'est un loup qui est un humain. Fait que. T'sais, je veux dire, pour moi, j'ai trouvé ça un peu décevant de pas avoir une. Quand t'écoutes Silver Bullet, je reviens encore à celle-là, mais je trouve que c'est celle-là qui est le mieux faite. Je sais pas, ça, moi, ça m'accroche un peu. Mais si tu veux voir, là, excuse-moi de te couper, parce que on parlait en début show que t'étais un à initier. Faut que tu vois la scène de la transformation de American Werewolf in London. Elle est très bien, elle est troublante, elle est vraiment bonne. Il n'y a rien qui a encore battu cette transformation-là. Ben, moi j'hésite entre celle-là et celle de The Howling. Sérieusement, ouais, les deux me font triper bien. American Werewolf in London, une coche de plus parce que tu ressens des trucs pour le personnage qui est en train de se transformer. Ça fait mal. Là, ça fait mal. Tu ressens quelque chose, tandis que dans The Howling, tu veux être à la place de la fille, mais la fille a des drôles de réactions pendant que l'autre se transforme. En tout cas, peu importe. Ouais. Sinon, j'ai aimé aussi le petit clin d'œil qu'ils ont fait à un autre film d'horreur en nommant un des personnages Bruce Campbell. C'est quand même assez cool. J'avais pas remarqué qu'il s'appelait Bruce Campbell. Mm-hmm. J'avais remarqué qu'il s'appelait Bruce, mais pas Campbell. C'est cool. Ouais. Tu trouves son dog tag un moment donné, je pense. Sinon, une affaire qui m'a déçu un peu, c'est une espèce de plot twist à la fin, là, qui a tiré par les cheveux un peu. Sinon, mon appréciation générale, c'était un bon film, un bon petit film. C'est bon, ça. On va y aller vite. C'est sûr que je l'avais déjà vu, ce film-là. Puis j'avais adoré en partant, justement, il y en a pas assez de films de loup-garou. Puis quand on en a un comme celui-là, qui c'est rafraîchissant, c'est bon. Puis je l'apprécie, j'ai vraiment apprécié celui-là. J'ai aimé l'intro, tu sais, l'intro est dans les dents. C'est vrai que c'est la même affaire que Bad Moon, sauf que c'est efficace, là, ça marche bien. Même la tente est de la même couleur que dans Bad Moon, c'est vraiment pareil. J'ai aimé l'espèce de... Comment est-ce qu'ils ont fait pour nous faire détester le personnage que je te parlais, Sébastien, dans ton histoire? Comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'on le déteste? Le coup Captain du chien. Ryan. C'est ça. Ce qu'ils ont fait pour qu'on le déteste, c'est en même temps ce qui a fait qu'on a adoré notre leader. Et je dois le dire, notre principal protagoniste dans ce film-là, il est badass. Je l'adore, man. C'est un vrai héros de film d'action. Il me fait triper raide, là. T'sais, c'est comme j'ai le goût de se faire un high-five, man. T'es cool, pis tu sais... Va te battre avec Dolph Lundgren puis va tirer des balles avec Rambo, man, tu fit. Ouais. Tu sais déjà que se battre à main nue avec un loup-garou, c'est quand même un exploit. Oui, il fait très bien, man. C'est... Non, sérieusement, il fit. Puis tu sais, c'est une bouille que j'avais pas vue, puis il marche, là. Non, sérieux. Le protagoniste, c'est un des points forts de ce film-là. L'histoire en général, j'ai trouvé ça aussi... C'est original, puis c'est bien. Tu sais, justement, les militaires qui sont à l'entraînement puis qui s'avirent mal, tu sais, c'est pas nécessairement l'affaire la plus originale ever, mais dans ce contexte-là, je trouve que ça a été bien, bien écrit. J'aime que chaque personnage ait sa personnalité. Ça aurait pu être plus développé. Ça aurait même été beaucoup mieux si ça aurait été plus développé, mais quand même, chacun des soldats a une petite personnalité qu'on, tu sais, qu'on vient comme poker une fois de temps en temps, puis je trouve ça cool. Il y a un bout que j'essaie d'en parler sans gâcher. Les tripes. C'est un peu trop, le bout des tripes. Je veux dire, je vais le dire. Écoute, se faire éventrer avec les tripes qui pend, puis le gars, tu sais, c'est comme, ah, ça fait mal, mais on va faire avec. Ça n'a pas passé, ça, là. C'était comme vraiment trop. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une petite coupeuse à sa bédaine. Non, non, il était ventré des côtes à l'autre côte, de l'autre bord, là. Puis tout, pan, là. Il rentre les tripes en dedans. Il colle ça, toi. Tête, oui. Un petit peu de colle Crazy Glue, puis c'est fait. Mais même avant qu'il colle, ça prend du temps, là. Ça prend facilement une bonne heure, une heure et demie, là, avant qu'il recolle ça, là. Mais le gars, il court, puis il marche, puis il n'y a pas de problème. On parle de la colle, puis il y a beaucoup des techniques qui ont été employées dans le film qui, surtout justement en matière de secourisme et de premiers soins, qui sont vraiment fidèles à ce qui se fait en vrai. Et puis ça m'a marqué l'attention particulière qu'il y a eu à ça. C'est vraiment bien. C'est sûr que la crise de loup, je suis pas convaincu que c'est la meilleure solution et que ça se fait. Mais en dehors de tout ça, j'ai trouvé ça quand même assez bien fait et assez efficace. Quand le film tombe à huis clos, à l'intérieur de la cabane, c'est bien, l'action est tripante, la tension est là. Ça devient encore plus intéressant quand on découvre que bon, il y a un certain personnage qui cache quelque chose. À partir de là, ça devient encore quelque chose de plus cool. Le reveal des monstres, parce qu'on peut dire qu'il y en a pratiquement un, même s'il s'échelonne sur assez longtemps, il y a un reveal, ce qu'on voit finalement, là, on voit les loups-garous. Dans la chambre à coucher. Ouais. Ben, ça souffre un peu. Non, avant ça, là, quand on les voit dehors, ouais. Ça souffre du manque de budget, sans faire mal au film, là, on s'entend, mais ça souffre du manque de budget dans le sens que c'est des plans ultra rapides sur des masques de loups-garous. Et puis, ils les font ultra rapides, puis il faut que ça bouge, puis tu sais, arrête pas deux secondes, parce que tu vas remarquer que c'est un masque en latex. C'est évident, là, que, tu sais, ils ont fait un montage ultra rapide, mais bon, ça fait pas mal au film, sauf que c'est un petit peu, ça me titille un petit peu. Côté réalisation, en général, je l'ai vraiment aimé. Beaucoup de plans ensemble, des beaux jeux de lumière. Puis, je trouve ça, ben là, c'est peut-être technique un peu, mais quelqu'un qui shoot avec au-dessus de 85 mm de lentille, là, des gros plans, vraiment, vraiment gros. J'aime tout le temps ça, moi, dans un film, ça me marque. Puis, que dire d'autre aussi, je sais pas. J'ai donc trouvé la fille cute. Ça n'a pas de mots du bon sens comment je l'ai trouvé cute. Mais cute dans tous les sens de cute. Là, elle était comme adorable, cette fille-là. C'est comme, wow. That's it. C'était mon Dog Soldiers. Jean-François, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé aussi. Je l'avais jamais vu. J'ai déjà vu The Descent, j'ai vu Doomsday. J'avais jamais vu celui-là. Ce que j'aime de ce réalisateur-là, c'est qu'il est vraiment bon pour installer une situation. Parce que ouais, je vais pas faire la critique de The Descent, parce que ce qui m'a toujours gossé dans The Descent, c'est quand les monstres arrivent. C'est niaiseux à dire, mais dès que les monstres arrivent, moi, tu me perds bien raide. Ce film-là, The Descent, est génial, avec juste les filles dans caverne, puis c'est plein de suspense, puis c'est... en tout cas, quand les monstres arrivent, je trouve ça ridicule. Mais dans Dog Soldier, j'ai aimé ça du début jusqu'à la fin. Là, la situation au début est installée, c'est plein de suspense, puis là, tu te demandes comment ça va arriver, puis après ça arrive dans la cabane, puis c'est... J'adore comment ça se déroule du début jusqu'à la fin. J'ai aimé les créatures. Je trouvais ça le fun qu'on les voit pas trop, puis à chaque fois qu'on les voit, c'est assez rapide, puis justement, tu sens le manque de budget, mais en même temps, ça marche. En tout cas, pour moi, ça marchait. Oui, c'est ça que je dis, c'est que c'est évident qu'ils ont fait ça parce qu'il y a eu un manque de budget, mais je pense pas que ça a fait mal au film. Non, c'est ça. Puis les références, comme Kevin disait, il y a le Bruce Campbell, puis tu sais, toute la passe dans la maison, ça peut faire penser aussi à Night of the Living Dead, tu sais, puis... Oui. Avec le char qui brûle aussi, puis toutes sortes de trucs qui sont des références à des films d'horreur. Non, vous avez pas mal tout dit, la réalisation, tout ça, le jeu d'acteur. C'est sûr que les tripes aussi, ça m'a fait... moi, je pense que je crierais un petit peu plus. J'aurais la misère à marcher aussi avec mes tripes re-rentrer dans mon ventre, là, tu sais, puis... Non, tu sais... Puis le chien qui tire après aussi, il m'a mis... Oui, c'est vrai! C'est un beau clin d'œil à Bad Moon, ça. Ah oui! C'est comme non, c'est exagéré un peu. Non, en général, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je pense que je l'aime plus, comme je disais, que The Descent. Ouais. Cool, ça. Seb? Écoute, je pense que j'irai pas trop longtemps parce que je vais me répéter. Je vais répéter ce que vous avez dit. Mais non, j'adore Dog Soldiers. Je trouve que c'est un film qui, comme tu dis, Jean-François, qui fait triper dans ses personnages, tu sais. On les aime, ces personnages-là, puis même quand il n'y a pas de loup-garou, ce qui se passe entre les personnages, avec le trou de cul Ryan, puis ouais. Peut-être aussi les mystères qui se passent là-dedans, tu sais, il y a comme des trucs qu'on sait qu'on ne sait pas, mais qu'on a hâte de savoir, qui sont plus intéressants encore que la prochaine attaque de loup-garou. Et puis ça m'a vraiment tenu en haleine. Tu sais. J'avais hâte de savoir ce qui se passait. Quand on a su ce qui se passait, j'ai levé un sourcil un petit peu, mais j'ai laissé passer, puis j'ai eu du fun pareil. Moi, c'est autant tantôt je disais que Bad Moon était un film fantastique à cause de sa musique, puis comme tu disais, Kevin, parce qu'on disait que c'est un film qui pourrait passer à TQS l'après-midi, autant que Dog Soldier, c'est un film d'action. Tu sais? C'est pas, y a pas, on dirait qu'il n'y a pas tous les codes du film d'horreur. Il y a des codes de film d'action. Ça shot, ça tire du gun partout. Tu sais? C'est vrai, ça. Pareil. Oui, les personnages sont en situation de détresse, mais sont en situation de détresse comme dans un film de guerre ou quoi de même. Tu sais? Les loups-garous sont pas considérés comme des loups-garous, ils sont considérés comme un ennemi à abattre. Tu sais? C'est un peu comme dans Prédateur. Ouais. Oui, exactement. Oui. Exactement. Tu as mis le doigt dessus. Tu sais, leur but, c'est de toffer jusqu'au jour parce qu'ils savent que le jour venu, ces loups-garous-là vont redevenir humains puis ils vont pouvoir les shotter puis ils vont. Parce que ça reste que c'est des soldats, là, tu sais. C'est pas des trous de cul qui savent pas se défendre. Sauf que là, bon, ils sont dans une situation avec des loups-garous puis ils ont jamais su comment s'en sortir. J'adore le huis clos dans la maison. J'adore la maison. La maison est trippante. Il y a beaucoup de trucs à faire là-dedans. Des fois, les personnages font des petites décisions un peu bizarres, mais pas assez pour nous gosser. Moi, je les aime, les loups-garous. Oui, ils sont cheap un peu, ils sont rigides, mais justement, de la manière qu'on nous les montre, on ne montre jamais le défaut des costumes. Fait que ça fonctionne. J'aime les twists. Moi, je les aime, les twists scénario. Il y a des trucs qui arrivent avec certains personnages. Je les aime. La transformation, bon, elle est absente, mais je préfère qu'elle soit absente, qu'elle soit ratée. Écoute, je pense que c'est ça. Là. Moi, Dog Soldiers, c'est un film qui me fait triper. Puis écoute, Kevin, tu as mis le doigt dessus, là, l'histoire du général, du genre de chef au début. Il s'était rien passé, il n'y avait pas encore eu de loup-garou à part dans la petite intro, mais les personnages étaient là, on les avait vus aller un peu, ils racontaient une histoire autour d'un feu, puis tu étais déjà accroché au film. Puis ça, je pense que c'est déjà une qualité, ça prouve que le réalisateur est capable de nous montrer autre chose que juste des scènes d'action. Ah, je suis d'accord, j'étais captivé aussi par cette scène-là. Belle scène. Oui. Ta recommandation, Seb? C'est un achat. Je dis que c'est un achat avec pas un collecteur, là, mais un bel achat qui vaut la peine parce que vous allez avoir le goût de le réécouter puis de le faire écouter à vos amis de temps en temps parce que c'est un film de loup-garou qui est rafraîchissant, qui va dans des zones que les autres films ne vont pas. Jean-François? C'est un achat, oui, tout à fait. C'est le genre de film que tu as envie de revoir. Kevin? J'y vais avec la famille, moi, c'est un achat. Je l'ai en Blu-ray, puis je regrette pas. Même chose pour moi. Ce film-là, quand j'ai découvert, comme j'ai dit tantôt, ça a été vraiment un coup de cœur en partant, dans le sens où on n'a pas assez de films de loup-garou, puis on n'a pas assez de films de loup-garou bien fait. Celui-là, c'est un bon exemple, justement, d'un petit film indépendant qui a été loin. Puis on n'est pas les seuls à l'avoir aimé. Ce film-là, ça a été un petit succès, mais quand même, c'est pratiquement unanime. Tout le monde qui a vu ça, on fait comme « Wow! » Tu sais, quelle bonne idée, quelle belle application. C'est fun parce que même s'il va dans des zones différentes du film de loup-garou, il respecte les codes. Mm-hmm. Il respecte toute l'histoire de l'argent, la mythologie, la pleine lune. Tu te fais mordre ou griffer, tu vas en devenir un. Tu sais, tout est là. Non, c'est trippant. Jean-François, as-tu de la trivia pour nous? Oui, j'en ai trouvé. Je te le demande, mais tu sais, je le sais très bien. Puis même, je sais c'est quoi parce que j'ai écouté les enregistrements que tu avais faits. Je viens de briser la magie. Oh non! Vas-y, donc, on va. OK, donc. Fait que le père puis le grand-père de Neil Marshall ont tous les deux été dans l'armée. Puis Marshall dit que s'il n'avait pas fait de film dans la vie, il aurait probablement aussi lui aussi terminé dans l'armée. Avec ce film-là, ce qu'il a voulu faire, c'est le portrait d'une unité militaire britannique de manière aussi authentique que possible. Puis il a fait d'intenses recherches sur le sujet pour y arriver. C'est pour ça que ça a l'air tout le temps assez réaliste, là. Puis les acteurs ont tous eu droit à un réel entraînement militaire intensif, ce qui a beaucoup renforcé les liens entre eux autres. Ça a paru, ça. Honnêtement, ça crevait l'écran, que c'était pas des nobody, que tu leur mets un gun en plastique dans les mains, des fois, ça jure. Dans bien des films d'action, ça a juré, ça a eu l'air fou, mais c'était vraiment pas le cas dans celui-là. Non, c'est ça. À lui tout seul, Marshall a ramassé 5 000 livres pour faire son film, mais il en manquait 2,5 millions. Fait qu'il y a eu des... Il a fait un effort. Il a réussi à trouver finalement des backers américains puis luxembourgeois. Le film est tout tourné au Luxembourg d'ailleurs, c'est pas en Écosse. Ces backers-là l'ont aidé, mais à une condition, qu'il renonce à tous les droits sur le film. Oh, wow. Charles, aujourd'hui, il n'a aucun contrôle ni aucun droit sur les personnages, le titre, les suites, tout ça. Là, ça, c'est il était plate, d'ailleurs supposé avoir une suite. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais il est tout le temps laissé en dehors de ces discussions-là. Ah, que c'est donc... C'est ça. Selon l'acteur Kevin McKidd, qui joue le rôle principal de Cooper, le film a été tourné entièrement de manière chronologique. Ce qui n'est pas nécessairement commun au cinéma. Puis, non, d'après moi, ça a beaucoup aidé, j'imagine, les acteurs à ressentir le stress de la situation. Avec le chef décorateur, Marshall s'est entendu pour faire les décors plus petits que la normale, pour que les loups-garous aient l'air plus énormes. Il voulait les voir se pencher pour franchir les portes. C'est vrai. Ils ont tellement l'air immenses dans la maison. Puis c'est efficace, hein? La scène que tu parlais tantôt, Sébastien, la chambre à coucher, où qu'on le voit, tu sais, bien, là, on a un vrai gros plan du loup pour la première fois. Et ici, bas, c'est quelque chose. Ça rappelle un peu, pour nos auditeurs qui ont écouté le show, le spécial italien, ça m'a fait penser un peu à la scène de l'anthropophagiste. C'est vrai. Ben oui, c'est un peu le même angle, un peu le même éclairage. Puis le monstre, vu que justement, il est en contre-plongée, il a l'air foutrement immense avec le fond lumineux. Ça a été... c'était réussi, ça. C'était vraiment bien. Mais je savais pas, par exemple, de là à faire un set plus petit pour le faire paraître plus grand. C'est... Wow. Des trucs simples, des fois, ça marche. Oui, il suffit juste d'y penser. C'est génial. Fait que, il m'en reste deux autres. Marshall désirait avoir toute une meute de loups-garous, mais le réalisateur avait juste pour le tournage juste deux têtes mécaniques puis trois costumes. Fait que c'est par son ingéniosité puis le montage puis les éclairages qu'il a réussi à faire croire qu'il y avait plus de créatures que ça. Mais c'est ça, juste deux têtes puis trois costumes. Wow. Puis, mon dernier bout de trivia, ça c'est mon préféré. Pendant le tournage, Marshall a dévoilé son plan à Kevin McKidd de faire du soldat Cooper un personnage à la John McClane, c'est-à-dire le héros d'une trilogie qui serait toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Puis, ça va être intéressant. Il lui a donné une idée de base de son plan. Dans le deuxième film, Cooper se serait retrouvé face à des zombies. Puis le troisième film serait une version moderne de Frankenstein avec des clones humains. Ah, oh, wow! Aïe, aïe! Wow! Puis quand il a entendu ça, McKidd a dit à Marshall, il dit « Soit t'es un génie, soit t'es fou, ou les deux. » Je seconde ça, mais moi, j'y vais du côté du génie parce que c'est deux films que je veux voir. C'est ça. On veut c'est triste qu'il y ait eu à abandonner tous les droits. Oui, ouais. Ça veut pas dire qu'il a abandonné les droits de Dog Soldiers. Il n'y a pas nécessairement. Ah, ben quoi qu'il y ait. Le personnage vient avec, j'imagine. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est donc bien triste. Hey, merci Jean-François, encore une fois. Tu me fais aimer encore plus le film avec des histoires dans la main. Génial. On va reprendre un autre petit break musical, chers auditeurs. Et en début d'émission, je disais que j'étais pas un fan des films de Stoner. Pour ce qui est de ma musique, c'est une toute autre histoire. Je vais vous faire écouter encore une fois une tune en rapport au loup-garou, une tune du band Clutch qui s'appelle The Wolfman Kindly Request. Et puis on vous revient avec la conclusion de l'émission. Listen, your power picture. Et nous voilà de retour déjà pour la conclusion de cet épisode. Les gars, j'ai eu du fun, c'était terrible. Vous m'avez fait du bien dans une période où, de l'année où ce que à job c'est carrément fou. J'aurais pu travailler comme un débile. J'étais content de vous retrouver à soir, puis on a eu un fun sale, même si les films sont pas toujours. C'est rare qu'on pogne des films qu'on aime pas, qu'on veut pas trop, mais on a eu du fun pareil. Puis pour ça, ben un gros merci, messieurs. Ça fait plaisir. Un plaisir partagé. C'est oui, très intéressant comme podcast. Merci d'avoir invité à participer. J'avais eu beaucoup de fun à l'épisode live, puis à ce soir encore, ça a été très, très fun. J'apprécie beaucoup que tu sois venu. Drette en partant, j'étais un peu contacté à la dernière minute. Le fait que tu aies accepté, c'est vraiment apprécié parce que je sais que tu travailles beaucoup sur ton show ces temps-ci, puis que, bon, dernière minute, c'est un peu plate. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment cool, puis c'est clair qu'on remet ça. On va même remettre ça au prochain show. Je pense que je vais déjà caler qu'est-ce qu'on fait au prochain show. Prochain show, je pense que ceux qui ont écouté l'épisode live en ont déjà entendu parler. Un spécial Fred Decker. L'idée vient de toi. Raconte-nous donc. As-tu une histoire d'amour, quelque chose avec ce gars-là? Ça vient de où, là? Je pense que j'ai loué Night of the Creeps en VHS, puis j'avais capoté sur ce film-là, son côté nostalgique et plein de références au cinéma d'horreur. Je pense que tous les noms des personnages font référence, c'est des noms de réalisateurs d'horreur. J'adore ce film-là. Puis Monster Squad, l'autre film, moi je l'ai découvert plus tard, pas quand j'étais jeune, plus dans les années 2000, puis ça a un peu le même genre de nostalgie aussi, même si c'est plus pour les enfants. J'aime aussi son côté, je sais pas, hommage aux films, des films de la Hammer dans ce cas-là. Puis, non, c'est ça. Je trouve que c'est des films vraiment intéressants. Puis, ça serait le fun de les revisiter. Je suis tellement d'accord. Puis, on est de même, nous autres, à l'Horreur Gamer. Autant qu'on a eu du fun à faire notre spécial italien sur des films ultra gore qui n'avaient pas de maudit brossin, qu'on va couvrir un film. Parce que Monster Squad, oui, je le considère vraiment comme un film pour enfants. C'est sûr que c'est de l'horreur, mais c'est de l'horreur. Du niveau des Goonies, du niveau des Gremlins. Ça fait partie de la branche, j'adore. Puis ça va être le fun d'en jaser. Je pense qu'on va avoir un gros fun sale, sans joke. Là. J'ai vraiment hâte. Ceci étant dit, chers auditeurs, manquez pas de nous écouter. Écoute, on va être live samedi le 12? 12. Excusez. Non, je parle pour le podcast All-Star. Le podcast All-Star, on va être live samedi le 12 à 18h sur le site des Mystérieux Étonnants. Manquez pas de nous écouter, sérieusement, ça risque d'être très, très, très drôle. On va avoir un fun, ça, c'est certain. Sinon, ça va être disponible sur le feed des Mystérieux Étonnants. Pour nos nouveaux éditeurs, il y a toujours le Facebook qui commence à être de plus en plus actif. Ceux qui y sont déjà, merci de participer, c'est tellement trippant de jaser avec vous autres, on aime ça, on en veut plus, arrêtez juste jamais de nous envoyer des suggestions, des commentaires, des idées, n'importe quoi, on trippe au bout. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, même si sur Twitter on n'est pas, je ne suis pas très très actif parce que je manque beaucoup de temps ces jours-ci, mais c'est pas grave, je réponds toujours aux messages. Fait que c'est pas mal ça, quelque chose à ajouter, messieurs? Ouais, je dis quelque chose par rapport au site internet d'Horreur Gamer. J'ai pas eu beaucoup d'updates cette semaine, mais c'est de ma faute parce que la vraie vie m'a rattrapé un peu et j'ai pas vraiment eu le temps, mais ça va continuer, là, ça va reprendre. C'est un peu la même chose pour tout le monde. C'est que bon, moi non plus, ça fait longtemps que j'ai rien posté parce que comme je disais, je suis dans un bout de je travaille sur bien des petits projets, dont certains qui vont être révélés très prochainement. Mais ça va se replacer tranquillement, pas vite, mais il y a quand même toujours bien des affaires intéressantes à aller regarder. Oui. Puis il manquait pas, j'ai un épisode de Fun de regarder des films qui s'en vient. Tu as parlé de typo négative et ils sont sur la trame sonore de ce film-là, d'ailleurs. Ça compte pas, typo négative, ils sont sur à peu près 25 trames sonores du film des années 90. Mais ça donne aucun indice. Soit dit en passant, Sébastien, j'ai écouté le teaser de ton prochain épisode. Oui. Et puis, je me sentais mal parce que j'étais crampé, mon gars, mais j'ai ri tout le long, là. C'était un peu correct. Malsain. C'est correct, j'aime ça. J'aime ça jouer avec les émotions des gens. C'était beau, c'était bien dit. Kevin, un mot de la fin? Super. Hey, excellent ça. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écouté, puis donnez-nous de vos nouvelles, puis on se retrouve très bientôt avec notre spécial Fred Decker. À la prochaine.